entre 10 et 18 ce matin, 18 à 21 cet après-midi et même de 24 à 26 dans le sud-est. Et puis la pollution, on respire bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île, Reims et Cannes. L'hypothèse d'un acte malveillant privilégié après la fausse alerte de prise d'otage à Paris, les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse autour de l'église Saint-Leu dans le quartier des Halles. Eh bien finalement il n'y avait rien, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires. Les auteurs se seraient vantés de leur coup sur Facebook. Il s'agirait de deux adolescents de 16 et 17 ans qui auraient juste voulu faire du buzz. Les recherches se poursuivent pour les retrouver et ils encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. L'acte terroriste qui ne fait plus de doute après l'attaque au couteau dans un centre commercial du Minnesota aux États-Unis. Le FBI avait des doutes que Daesh a levé en revendiquant les faits. Au moins 9 personnes ont été blessées et l'assaillant a été abattu. Il s'agit d'un étudiant d'origine somalienne. L'état d'urgence qui reste maximal à New York. Une bombe a explosé samedi à Manhattan. Impossible de dire encore ce matin si c'est un acte terroriste ou non. La déflagration a fait 29 blessés dont un grave. Une autre bombe a été retrouvée un peu plus loin mais n'a pas explosé. 1000 policiers supplémentaires ont été déployés par précaution dans toute la ville. Une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats. Aujourd'hui, près de 1000 personnes sont attendues aux Invalides ce matin. François Hollande y prononcera un discours très attendu. Le nom de chaque victime du terrorisme sera cité et une minute de silence sera observée. À début de la cérémonie à 9h, François Hollande s'envolera ensuite pour New York où il recevra le prix de l'homme d'état mondial de l'année 2016. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui font beaucoup de routes. Les prix des autoroutes vont encore augmenter dans les prochaines années. La hausse sera de 0,3 ou 0,4% entre 2018 et 2020. Annonce faite par le gouvernement pour lancer un plan d'amélioration du réseau. Coût total de la facture, 1 milliard d'euros. Du sport et du foot, avec la fin de la 5e journée de Ligue 1. Pas de gagnant pour le premier choc des Olympiques de la saison. Marseille et Lyon se neutralisent 0-0. Saint-Etienne a dominé Bastia 1-0. Et match nul, un but partout entre Montpellier et Nice. Au classement, les Monégasques sont en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. Et puis la fin des Jeux Paralympiques de Rio. Ils se sont clôturés cette nuit par une belle cérémonie au stade Maracana devant 70 000 personnes. Belle moisson pour la délégation française. 28 médailles dont 9 en or et une 12e place au classement des nations. Eh bien, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire, on va dire. Oui, c'est moins bien qu'à Londres, mais c'est quand même pas mal. Merci Rémi pour les infos, les premières de la semaine. Souhaite une bonne semaine et puis rendez-vous dans une demi-heure. Yep. À tout à l'heure, il est 6h pile sur Skyrock. Bah, bonne semaine à vous aussi, on est le lundi 19 septembre. On a perdu 10 à 15 degrés par rapport à il y a une semaine. Mais bon, garde le moral, attention. Hein. C'est parti pour le morning, c'est en direct sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé with my friend D-Fool. Wesh l'équipe, c'est Jules. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bonjour à tous. Couvrez-vous ce matin. Prenez le sweat. Prenez une petite veste. Bonjour. Parce qu'il fait pas chaud. Bonjour Romano, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Tu as pris un petit bonnet pour ton crâne? Non, non, ça va. Méfie-toi, méfie-toi. Oui, non, mais attends, il fait pas non plus 5 degrés. On a perdu 10 à 15 degrés par rapport à il y a une semaine, c'est vrai en plus. Hein. Il y avait du 36, 37 degrés la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez lundi dernier. On était là, ah, il fait chaud, ah, il fait chaud. Aujourd'hui, tout le monde dit à peu près l'inverse. Ah, bah putain, ça caille aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, bonjour Cariole. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Salut. Romano. Bonjour à toute l'équipe. Ouais. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes jusqu'à 9h. On est là pour démarrer une nouvelle semaine avec plein de cadeaux pour vous. Vous offrira les iPhone 7 tout à l'heure. On a la nouvelle console PS4, la nouvelle Slim. Avant la sortie de la grosse PS4, on vous file bah, celle qu'on vous a offert toute la matinée de vendredi matin. Ouais. Vendredi matin, vous avez gagné votre console tout au long du morning. Eh bien, vous en aurez à gagner tout au long de la semaine. On jouera d'ailleurs à 6h20 pour choper votre nouvelle console, la PS4 Slim. On jouera avec l'invité mystère. Et sinon, bah, rendez-vous à ne pas louper. C'est toutes les demi-heures depuis la rentrée, les 1500 €, ce qu'on vous offre. Bah, par exemple à 6h30 tout à l'heure, ce qu'a gagné Sandra de Belfort vendredi dernier, Pauline de Rennes aussi, 1500 € à choper si vous répondez Skyrock. On souhaite bonne chance à tout le monde. Il suffit de répondre au téléphone et quand on vous demande quelle est votre radio préférée, de répondre Skyrock. Ça devrait être possible, c'est pas compliqué. Profitez-en, ce sera tout à l'heure. Et puis vous pouvez même augmenter vos chances de gagner, ça vous le savez aussi, avec le 7-20-20 qu'on a fait exploser vendredi dernier, le 7-20-20. Ouais, bravo. Donc là logiquement ce matin ça fonctionne, hein. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 pour augmenter vos chances de gagner. Et peut-être qu'on vous appellera tout à l'heure sur Skyrock. Un petit point d'ailleurs sur ce que vous avez fait ce week-end. Est-ce que vous avez maté des trucs? Je sais pas, vous êtes allé voir un match de foot, vous avez maté un match de foot à la télé, vous êtes allé voir un concert, vous avez regardé un truc à la télé qui vous a plu, une émission qui vous a fait plaisir. Moi j'en ai une pour vous dans un instant. Ah. Ouais, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end. Ou alors vous êtes allé sur le net, vous avez vu des trucs qui vous ont fait rigoler sur le net. Moi, C'est à la télé quand même. Alors c'est quoi? Ce sera notre réveil de star. Réveil de star rapport à une émission télé de ce week-end. Tu as écouté le réveil de star. C'est lui qui va le faire. Bonjour. Buongiorno. Non, tu es français. Allô. Allô. Oui, tu es français. Tu t'appelles Matt Pokora. T'es même alsacien. Donc buongiorno, ça marche pas trop. Je m'appelle Matt Pokora. C'est bien Matt Pokora. C'est bien. C'est Matt Pokora qui est donc un des jurés de The Voice. The Voice Kid. Qui a regardé déjà The Voice Kid cette année? Pas moi. Mais si, on a déjà regardé. Pas cette semaine. D'accord, très bien. Oui, j'avais demandé donc cette année. Cariole est encore bourrée du week-end. Hein. J'ai fait attention de me demander à Cariole, surtout pas lui demander ce qu'elle a fait ce week-end, parce qu'on sait jamais. J'ai bien fait. Non, mais on a déjà regardé, mais pas cette semaine, quoi. Voilà. Bah non, ma salle The Voice, je peux passer au-dessus de moi. Par contre, Matt Pokora, il me fait rigoler. Il danse, il a des tatouages, il se les enlève, il veut en remettre et tout ça. C'est super. Ouais. La vie de Matt Pokora est pas mal. Hein. Ouais. Voilà. Et il va rester dans The Voice normal aussi. Ouais, c'est ça. C'est une des nouvelles qu'on a appris la semaine dernière. Bon, bah écoutez, on va reparler. Ça regardait enquête exclusive à la télé, le championnat du monde de paintball à Chantilly, c'est ce qu'était allé faire Manu. J'ai maté le match des chèvres. Ah, c'était l'Olympico hier soir ou le PSG de vendredi. Le PSG qui gagnait 6-0 quand c'est même. 4 buts de Cavani. Et Cavani, pied carré, a réussi à marquer 4 buts. Ouais. Alors ça vraiment, c'était exceptionnel. Oui. Bon bah c'était qu'en face aussi. On a vécu ça vendredi soir dans la radio libre. On n'y croyait pas. Cavani, 4 buts. Ah la folie. Le mec en une demi-heure, trois quarts d'heure, flap, pratiquement 4 buts. Tu m'étonnes qu'on a tant de merde aujourd'hui. Ah bah tu t'étonnes qu'il tombe de la merde. La merde. C'est bien dit. Bon allez, on revient à The Voice dans un instant. Enfin The Voice. On revient surtout à M. Pokora, le réveil de star. Comment il va être accueilli? Il est gentil, M. Pokora. J'espère qu'il sera bien accueilli par les Français. Mais on espère. Allez, on se prépare et puis du son pour se réveiller. J'espère que vous êtes prêts aussi. C'est les 21 Pilots pour démarrer avec Ride. On aura aussi un petit Michael Jackson qui est avec Justin Timberlake à écouter avant 6h15. Et puis là c'est parti pour le morning. Un coup d'envoi à 6h04 et jusqu'à 9h sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Sur Skyrock, les 21 Pilots pour se réveiller ce matin, c'était Ride. Il est 6h08, bon réveil et bonne journée. Merci pour les messages, je ne vous ai même pas demandé le numéro. Nifoul, t'as oublié des trucs ce matin. C'est bien, vous faites le compte-rendu de ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Pas mal, je salue Enrico qui nous a laissé un message. J'ai oublié des trucs, le numéro, bah tu le connais, tu viens nous envoyer un message Enrico. Mais je le donne pour les autres, tu as raison. C'est le 41-759 si vous voulez laisser des messages tout au long de la matinée. Et notamment, jouez avec nous à 6h20 tout à l'heure pour gagner votre PS4. Il y en a qui ont collé sur la PS4. Il y a Abdel qui a collé sur la PS4 tout au long du week-end. Julie aussi qui s'est abusée avec son chéri sur la PlayStation. Et il y a aussi des filles qui aiment ça. On en parlait vendredi, Julie, dans l'émission. Ouais, c'est vrai. Ouais. Spécial console vendredi. Un joueur sur deux est une joueuse. Ouais. Bravo les filles. Vrai. Donc ça a collé chez Julie sur la console. Ça a regardé le match de foot d'hier. Marseille oblige pour No One qui vient de nous laisser un message. Bonjour à toi, No One. Hier soir, c'était le Patético et pas l'Atlético. Ah oui. OM-OL hier soir. 0-0. Pas un but. Hein. Aïe. Match un peu chiant. Ah ouais. Ça, oui, pour ceux qui regardent. T'as regardé quoi hier, Cariole? Rien, je me suis couché tôt. Tu t'es couché tôt, tu as écouté la radio libre hier. Évidemment. Bravo, bravo Cariole, bravo, elle est super. Romano, t'as fait quoi toi hier soir? Moi, je me suis couché avec Cariole. Tu t'es couché tôt, tu as écouté aussi la radio libre? Ah non, moi j'ai dormi. Bah, lui, il a dormi direct. Direct. Bon, salut Eyman, on salue Biendes, Kaline qui nous fait un bisou. Coucou à toute l'équipe. Salut Kaline, salut Faouzi également du 93-600. Et puis, bah tiens, on parle d'une des émissions de ce week-end. L'émission de samedi soir sur TF1. C'est le truc qui marche le mieux le samedi soir sur TF1, The Voice Kid. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben écoutez, moi je préfère sortir, aller boire un verre. Mais enfin bon, chacun ses trucs. Hein, si vous êtes des fans de The Voice Kid, sachez que bah il y a plein de Français qui regardent. Je crois que ça fait 25-26% d'audience. Ce qui veut dire un Français sur 4 branché sur la télé qui regarde Nikos, les enfants chanter et les chaises se retourner. C'est ça. Ou pas. Ouais. Voilà. Il y a des stars cette année dans l'émission The Voice Kid. Bah il y a qui? Ben Amat Pokora. Ah non, mais je parlais de nouveau des nouveaux. Des gamins? Ouais, ça là. Ah bah je sais pas. Ça, là. ça qui passe à la télé le samedi soir et qui te casse les oreilles. Bah il y en a qui chantent pas mal, ouais. Il y en a qui chantent pas mal. Alors, c'est lequel de Réveil de Star? Viendront Kids United, le groupe des gamins là. Exactement. Ils viennent tous de là, les Kids United. Kids United. Bon, ben c'est le Réveil de Star de M. Pokora ce matin. Il s'appelle M. Pokora. Je m'appelle Matt Pokora. Ah non, M ou Matt? Ça faudrait savoir. Ou MP. Matt ou M, c'est quoi ton prénom? Patrick. Patrick, non. Patrick Pokora. Non, c'est pas vraiment le... Non, ça le fait moins. Ça le fait moins, ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Eh ben écoute-moi, a priori mieux que toi, Matt. Matt Pokora. Allez, c'est parti, c'est le Réveil de Star. Le Réveil de Star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et on écoute donc M. Pokora qui réveille les Français. Tous les matins, une star réveille la France. On va voir ce que ça donne ce matin, Matt Pokora. Comment il va être reçu à 6h10 sur Skyrock. Matt Pokora, lui-même en personne de The Voice. Ouais. Celui qui s'est allô fait... Ah. Allô. Oui. Buongiorno. C'est qui? Je m'appelle Matt Pokora. Quoi? C'est Matt Pokora. Matt Pokora. Bah, je vous passe Patrick. Ok, vas-y. Il paraît qu'il y a Matt Pokora pour toi. Matt Pokora, je te passe ou je te passe pas? Patrick. C'est lui qu'on veut. Allô. Allô. Hey, bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui? Eh, ça va, bah, c'est qui? Je m'appelle Matt Pokora. Oui, alors? Comment tu t'appelles? Bah, moi, c'est Patrick, pourquoi? Tu as quel âge? 61 ans. As-tu un talent caché? Un talent caché? Ouais. Non, j'ai pas de talent caché, je suis normal. Moi, je me débrouille pas mal en cuisine. Tu te débrouilles pas mal en cuisine? Ouais, c'est ça. C'est déjà une bonne chose. Au moins, on peut bien manger. Voilà. Ouais. J'aurais aimé être footballeur. T'aurais bien aimé être footballeur? Ouais. Ça n'a rien à voir avec la cuisine. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Ben ça dépend, si je suis joli, j'aurais essayé de gagner du pognon. Comment? Ben, je sais pas, j'aurais essayé de rencontrer un mec pas trop mal. Voilà, c'est tout. Quel est le morceau qui te donne la pêche à tous les coups? Mon site de musique? Ouais. Ben, la bonne. Ok. Ok. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, j'aime bien comment l'américain. Les Beatles. Les Beatles. Waouh. Ouais. Tu as déjà pensé à écrire des chansons d'amour? Des chansons d'amour? Ouais. Je sais pas. Ton timbre de voix est super original. Ouais. On va faire une comédie musicale. Ah, vous allez faire une comédie musicale? Ouais. Ah, c'est chouette ça. Je peux voir la lumière qui émane de toi. Ah, tu l'as vu? Tu es magnifique. Ah, c'est super. J'ai vraiment énormément envie de travailler avec toi. Vraiment. Ah, bah, c'est super. Je suis pas un gros dragueur. Ouais. Je ne suis pas un garçon facile. Ah non, mais je pense pas non plus. Puis je m'en fous. Va me faire un bisou. Tu peux encore attendre un peu. Tu peux pas lutter. Allez, bonne nuit. Hein. Allez, bisous. Mais je sais pas ce que c'est que cette connerie. Matt Pokora, ça fait deux minutes que tu discutes avec lui. L'autre a répondu à une interview au téléphone. Ouais, ouais, ouais. Quand même, hein. Matt Pokora et le mec là, Patrick, sympathique comme tout Patrick, son rêve dans la vie, c'est d'être michetonneuse. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça serait une femme, il serait michetonneuse, il trouvera un riche qu'il sauterait, qui lui donnerait de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est bien, Patrick. Il a du talent. Il a un but dans la vie. Bah voilà. Oui, c'est bien. Patrick, réveillé par M. Pokora ce matin sur Skyrock à 6h13 et dans un instant. Un invité mystère à découvrir. Ben oui, on va jouer ensemble avec l'invité mystère et avec votre PS4 Slim à gagner. La toute nouvelle PS4, elle est bien sûr à gagner sur Skyrock. On se prépare après Michael Jackson et Justin Timberlake sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le Morning de Default sur Skyrock. See you. Michael Jackson et Justin Timberlake pour se rappeler plein de souvenirs. C'était Love Never Felt So Good, en grand classique sur Skyrock. Il y a le Panda qui arrive, le Panda de Designer. Panda. Il y a Ghetto Phénomène aussi. Tiens, un groupe de Marseille, c'est les potes de Jules. Ils étaient venus à Planète Rap il y a 15 jours. Ouais. Sympa les Marseillais. Ghetto Phénomène, on va les retrouver sur Sky avant 6h30. Et on va faire un petit point tout de suite sur l'invité mystère. Un invité mystère que vous allez devoir découvrir. Allez, c'est même une émission mystère ce matin, je vous le dis. Émission mystère à découvrir au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. C'est pour gagner vos consoles, les PS4 Slim, on vous les offre tout au long de la semaine, tous les matins sur Skyrock. Si vous l'avez pas gagné vendredi, parce qu'il y en a qui étaient déçus vendredi, ils n'avaient pas gagné leur PS4 ouais, Slim. Ah bah il y en a encore. Et ben on en a plein pour vous tout au long de la matinée sur Skyrock, la super console, la PS4 Slim. Et ben eux, ils n'ont pas la PS4 Slim, ça je vous le dis. Ce sont ceux qui se retrouvent dans l'émission mystère ce matin. Ça c'est un des candidats, il est sympa comme tout. Qui... Allez, ça a l'air de bien aller, tiens. Non, il va bien, il parle français aussi. Si c'était facile, ça se saura. Ah bah attends, si alors. C'était facile, ça se saura. C'est un peu le cas de l'invité mystère. Si c'était facile, ça se saura. Bah évidemment. Alors dans quelle émission il est, le monsieur là? 41-759, skyrock.fm et l'appli Skyrock pour nous laisser vos messages. Je le donne le top tout de suite. Si vous avez reconnu l'émission mystère et si vous voulez votre console, eh ben vous envoyez des messages. C'est pas facile, hein, je vois la tête autour de moi. C'est pas simple. Je vais vous donner un autre petit indice. En plus du... Si c'était facile, ça se saura. Tiens, en plus du prénom de celui qui parle si bien français, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Je vous en présente une autre. C'est... allez, c'est Julie. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans. Très bien. Allez, voilà. Ah, vous c'est Julie. Vous en avez deux de l'émission mystère. 38 ans. Julie, 38 ans. Et Jean-Luc, je sais pas l'âge qu'il a. Il a 50 ans, lui, tiens. Ah, ben, ouais. Jean-Luc, 50 ans. Enchanté, Jean-Luc. Ouais, voilà, mais il a pas l'accent, lui, c'est moi qui l'ai. Ah, non, non. Alors, vos réponses très vite. Et on. Et non, c'est pas Secret Story. Et on joue ensemble dans un instant, en direct. Ce n'est pas L'amour est dans le pré. Ce n'est pas The Voice. On en parlait il y a un instant de The Voice. Mais non, c'est pas The Voice. C'est pas La Vengeance des Ex. Putain, vous galérez, là. Et bah c'est bien, ça met du suspense. C'est pas les 12 coups de midi non plus hein. Non, non, non. Allez, dans un instant on découvre tout ça. C'est parti, bonne chance à vous. Et bon réveil, il est 6h pratiquement 20 sur Skyrock. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Okay. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Eh, eh, eh. parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. Et pas. Laissez-les couner. Laissez-les parler. Laissez-les couner. Laissez-les couner. Laissez-les parler. Laissez-les couner. Laissez-les couner. Laissez-les parler. Laissez-les couner. Laissez-les couner. Laissez-les parler. Laissez-les couner. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Pas dès 6 heures. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les coloris à la radio, ça. C'est le morning de Default sur Skyrock. Eh ouais, lundi matin, bien réveillé. J'espère que vous aussi. On va vous réveiller avec 1500 euros dans, allez, moins de 10 minutes sur Skyrock. On vous offre de l'argent. On vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock. Et c'est gagné. Les conseils pas chers, Romano. Aujourd'hui, tu vas lutter contre une arnaque. Ce sera 6h40, comme tous les matins. Ouais, c'est ça, ouais. Si vous recevez des coups de fil anonymes, si votre téléphone sonne tout le temps et que vous êtes embêté tout le temps, eh bien, sachez que Romano luttera contre ça tout à l'heure à 6h40. Ah, ça va se terminer. C'est sur Skyrock et, ah, ça va se terminer. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, ben, tout à l'heure, je l'ai promis aussi, le ghetto phénomène, le groupe de Jul. Ouais. Ah, des potes de Jul à retrouver avant 7h du matin. Le panda de designer, c'est dans un instant. Et notre invité mystère, c'est avec Stéphane ce matin. C'est même une émission mystère à découvrir. Bonjour Stéphane. Bonjour l'équipe. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut. En direct du 62, ça va bien ce matin. Ouais, ouais. Ça va bien. Alors toi, tu as découvert l'émission mystère. J'avais mis deux indices. J'avais mis comme premier indice, ah oui, Jean-Luc. Si c'était facile, ça sera. Si c'était facile, eh ben ça sera. C'est bien dit ça, Jean-Luc. Et puis deuxième indice, une très belle Julie. Je m'appelle Julie. Merci Julie. Alors les deux, on les a trouvés où? Sur Koh-Lanta. Et ouais, on les a retrouvés sur Koh-Lanta. Eh ouais. Koh-Lanta qui est définitivement l'émission de télé-réalité préférée des Français, largement, largement. À plus d'un tiers des Français, 33%, 34% même des Français aiment Koh-Lanta. La deuxième émission de télé-réalité préférée des Français, qu'est-ce que c'est? Secret Story. Non. Alors, ah, j'allais dire aussi. Secret Story, j'ai 2%, Romano. Je sais pas. Donc on passe quand même de 34% pour Koh-Lanta à 2% pour Secret Story. Vas-y, dis-en une autre. Les Marseillais, là. Les Marseillais, pas mal. 8%, Romano. Tu progresses. Sinon, il y a quoi d'autre? Les Anges. Express, les Anges. 1%, les Anges. Ah ouais, c'est le carton. 1%. Non, L'amour est dans le pré. Ouais, bien, carrément. Ah, L'amour est dans le pré. Ouais, L'amour est dans le pré à 25%. Donc, en fait, t'as deux émissions de télé-réalité que les gens supportent. C'est L'amour est dans le pré et Koh-Lanta. Tout le reste. Bon, les Marseillais un peu, hein. Un peu. Mais alors, tout le reste, ouais. Ils aiment pas. Oui, et a priori, non, pas des masses. Et les Anges, bah, c'est à 1%. Bah, c'est pas la folie. Eh non, c'est pas la folie. Par contre, Stéphane, c'est bien. Tu viens de gagner ce matin ta console, la PS4. Ouh, Slim, elle est pour bravo, toi. Bravo. On va t'envoyer la toute nouvelle console. On va te l'envoyer dans dans le 62, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Vous avez plein de noms. Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. C'est quand même un peu la folie, hein. Ah, c'est le meilleur, c'est normal. Eh bien, bien joué à toi, Stéphane. En tout cas, pour le premier rendez-vous, c'était toi le meilleur. Dans une heure, on va jouer pour l'iPhone 7, je vous le dis d'avance, hein. L'iPhone 7 à choper. Et donc, ce Jean-Luc fait partie de l'équipe jaune et eux, ils gagnent tout le temps, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Julie, elle fait partie de l'équipe rouge. Qui perd tout le temps, donc. Et elle perd tout le temps. Vous préférez être avec qui, vous? Être avec Julie? C'est la meuf qui chante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, les trucs Disney, là? Qui attend son prince charmant. Oui. Donc, elle, c'est l'équipe des losers, les rouges, hein. Je crois toujours au prince charmant. C'est bien. Parce que Je l'ai rencontrée. Mais je l'ai avec moi, c'est Benjamin. Et mais oui, elle est gentille, hein, mais elle est toute bébête. Elle est bébête. Et puis elle peut te prendre la tête si t'es dans son équipe aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Céline Dion. C'est bien. Ah ouais. Donc elle chante toutes des chansons de Disney ou du Céline Dion, c'est sympa comme tout. Hein. J'écoute Mandorman. Voilà, donc t'as ça dans ton équipe d'un côté ou alors tu prends Jean-Luc. Alors bah, tu la noies, elle. Jean-Luc, alors attends, parce que t'as le choix entre deux équipes, Romano. Donc les rouges, c'est elle. Jean-Luc, c'était les jaunes, alors eux, ils gagnent tout. Ou alors, tout. Je sais pas, tu la tabasses à noix de coco. Donc, elle est niaise, et Jean-Luc, lui, il est autoritaire. T'as le choix entre les deux, là. Pour l'instant, je suis à peu près leur boussole, parce que là, la cabane, il me l'avait décrit. Mais faire 30 mètres carrés de toi, c'est pas possible. On n'est pas là pour 2 ans. Donc, lui, il sait tout faire, il donne des ordres. Ouais, 30 mètres carrés, ça va, tu te tais, tu creuses. T'as entendu, tu te tais, tu creuses. Ouais, tu te tais, tu creuses. Tu choisis quelle équipe, hein? La niaise ou l'autoritaire? Bah, écoute, moi, je prendrais plus la niaise, à la limite. Ah ouais, plutôt que lui? Ah ouais, parce que le mec qui te donne des ordres, en général, ceux qui donnent des ordres, ils se font dégager dans pas longtemps. Bon, ça va, tu te tais, tu creuses. T'as compris? Non, j'ai pas envie. Tu creuses. Tu te tais, tu creuses. Le mec, je suis sûr, lui, ça va faire comme certaines années, le mec, il va tout construire et à ce moment-là, ils vont le dégager. C'est possible. Merci Jean-Luc, hein, t'as fait une super cabane. Les 30 mètres carrés de toi, ils sont géniaux. Ouais, hein. Le mec va élaborer toutes les stratégies. Pourquoi? Pour se faire dégager. Ah ouais, mais ça, c'est tout le temps comme ça en plus. Allez, on éteint ton flambeau là. Allez, y a plus de flambeau. Viens ici, Bouddha, parle-moi de suite. Là, tu prends quoi? Oh là, toi, Bouddha, ouais. Ouais, moi aussi, je crois que je prends l'autre et je me fous une noix de coco dans les oreilles pour pas l'entendre. Non, bah, je vais en foutre sur la gueule, moi. Aussi, ouais, c'est pour quelle thèse. Vive Koh-Lanta, c'est un petit point sur Koh-Lanta pour ceux qui sont comme moi et qui regardent pas. Ah bah voilà. Comme ça, on est au courant. On a eu la bonne résumé. 6h29. Sur Skyrock, le panda maintenant, c'est parti. Designer sur Sky. Et une belle journée à toi, Stéphane, hein, bravo pour la PS4. Ouais, merci, équipe, merci à vous. Ouais. Salut Stéphane. Ouais. Salut Stéphane. Ouais, ouais, ça l'appelle Jean de Nord, hein, vous avez vu. Hein. Dans un instant, 1500 euros à gagner. Vos infos aussi avec Rémi, ce sera juste avant les 1500 euros. Et les conseils pas chers, vous recevez des appels anonymes. Vous ne savez pas quoi faire. Romano, vous, qui ouais. Sur Sky. To the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then the bullet you bandit, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family, package full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then the bullet you bandit, hope you killers understand me. Hey! Panda. I got broads in the land, twisted to lean the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner, hope you killers understand me. Panda sur Skyrock, le son de Designer. Il est super ce soir pour se réveiller. Même après d'ailleurs, hein. Même dans la journée, même le soir. On l'aime bien, Designer à 6h30 sur Skyrock. Bonne journée à vous. T'es en train de regarder les gagnants de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a eu plus de filles que de garçons chez les gagnants? Parce qu'il y a Sarah qui se plaignait. Il n'y a que les mecs qui gagnent. J'ai oublié, Skyrock premier sur les mecs. Ah non, il y a plein de filles. Ah, attends, on va voir. La semaine dernière, tiens compte Romano. Ophélie de Créteil a gagné 1500 euros. Une fille. Florian de Bayonne a gagné 1500 euros. Abdou de Toulon. Deux mecs. Philippe de Strasbourg. Trois mecs. Oh là là, elle a raison. Kelly à Kelly et à Ivry. Deux. Deux filles, trois garçons. Deux. Ikram, ouais. Une fille encore. Trois. Nadège. Quatre, trois. Oh, les filles prennent la tête. Luc. 4. Et vendredi, ah bah deux filles. Pauline de Rennes et Sandra de Belfort. 5. Bah ça fait 6-4. Ah bah les filles, vous avez gagné plus de sous la semaine dernière. Eh bah voilà. Mauvaise langue, Sarah. J'ai vu. Donc ça ne tient pas ton argument. Ouais, dans un instant, on va voir chez qui on va aller là. C'est au hasard. Hein. C'est parti quelque part en France pour vous offrir 1500 euros. Filles ou garçons, tout le monde peut gagner. Il suffit de répondre Skyrock. On nous demandait est-ce que les mineurs peuvent jouer. Mais oui, si tu travailles dans la mine, tu peux jouer, bien sûr. Sans problème, si le téléphone passe. Et les autres mineurs, peuvent jouer aussi. Hein. Vous pouvez jouer, il suffit de répondre Skyrock. Tout le monde peut gagner 1500 euros. Ce sera juste après les infos de Rémi. Comme ça, on fait le poids sur l'actu. On est bien au courant. Et après, bah, vous êtes bien au courant. courant. Vous répondez Skyrock et vous gagnez votre gros chèque, le premier de la matinée. Toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner sur Sky. Et la météo pour aujourd'hui, bon, il va pas faire super super chaud. Non, ouais, et puis en plus un peu couvert et pluvieux. Donc voilà, c'est pas terrible aujourd'hui. Ciel nuageux sur la plupart des régions, hormis près de la Méditerranée. On a même des averses là dès ce matin en Bretagne et sur la Picardie. Les températures comprises entre 10 et 18 degrés, 18 à 21 cet après-midi et même de 24 à 26 dans le sud-est. Et puis la pollution, eh bien on respire bien. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Lille, Reims et Cannes. Et le poisson, l'actu, toute l'actu et tout le sport aussi sur Sky. L'hypothèse d'un acte malveillant privilégié après la fausse alerte de prise d'otage à Paris. Les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse autour de l'église Saint-Leu dans le quartier des Halles samedi. Finalement, eh bien il n'y avait rien. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires. Les auteurs se seraient vantés de leur coup sur Facebook. Il s'agirait de deux adolescents de 16 et 17 ans qui voudraient faire du buzz. Les recherches se poursuivent et ils encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats aujourd'hui. Près de 1000 personnes attendues aux Invalides ce matin. François Hollande y prononcera un discours très attendu. Le nom de chaque victime du terrorisme sera cité et 1 minute de silence sera observée. À début de la cérémonie à 9h, François Hollande s'envolera ensuite pour New York où il doit recevoir le prix de l'homme d'État mondial de l'année 2016. C'est la petite polémique qui fait parler sur la promenade des Anglais. Le syndic d'une copropriété a demandé à une résidente d'enlever un drapeau français qui flotte sur un balcon. La bidente l'avait posé pour l'euro, mais l'avait laissé après les attentats. Plusieurs voisins se sont plaints de cette initiative qu'ils jugent un petit peu trop franchouillarde, pour reprendre leur terme. L'ex-maire de Nice, Christian Estrosi, estime que la réaction du syndic est inadmissible. Le groupe Foncia s'est finalement désolidarisé de son agence locale et présente toutes ses excuses. Jacques Chirac, toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, l'ex-président a été rapatrié du Maroc ce week-end pour une infection pulmonaire. Un de ses proches affirme qu'il est conscient. L'ancien chef de l'État soufflera ses 84 bougies en novembre. On va parler sport maintenant avec de la Ligue 1, de la Ligue 2, c'est du foot et un peu de rugby. Ouais, du sport et du foot donc avec la 5e journée de Ligue 1. Pas de gagnant pour ce premier choc des Olympiques cette saison. Marseille et Lyon se neutralisent 0-0. Saint-Etienne a dominé 1-0. Bastia et match nul, un but partout entre Montpellier et Nice. Au classement, Monaco est en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. L'épilogue ce soir de la 8e journée de Ligue 2. Le Red Star se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Coup d'envoi à 20h30. Et puis la fin de la 5e journée du top 14. Castres a ultra dominé Grenoble 46-9. Le Racing 92 a eu raison du RCT 41-30. Au classement, Clermont est en tête devant La Rochelle et Montpellier. Merci Rémi pour les infos. On fera le tour d'Europe des stades de foot tout à l'heure à 7h. Juste après les infos de 7h. Enfin, pendant les infos de 7h. Et ben, on te retrouve à 7h. Eh ouais, à tout à l'heure. Voilà. Il est 6h35 sur Skyrock. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct tout de suite. Le Morning Daddy Fool. 3h de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The Morning Show. Et le Morning Show. Une nouvelle semaine qui démarre sur Skyrock avec les premiers conseils pas chers de la semaine. On dénonce une arnaque avec toi ce matin, Romano. Stop au harcèlement téléphonique par les entreprises de publicité, de vente à distance, etc., etc. Et ouais, ça fait peut-être partie des coups de fil qui vous énervent le plus. Qui est-ce qui vous passe des coups de fil qui vous énerve? Ça peut être quelqu'un du boulot, ça peut être un pote, ça peut être, je sais pas, les parents qui sont là tout le temps derrière vous, en train de vous demander, mais tu es où? Ouais, tu fais quoi? 2 minutes après. Oui, mais tu es où maintenant? Eh bien, si vous avez marre de tout ça, j'ai la solution. Ah. Contre un peu d'argent. Bien sûr. Évidemment. Bah, non, attends, qu'est-ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui? Il y a pas, il y a rien sans rien. Ah, hein. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Eh ben oui. Donc, dites-nous qui vous passe des coups de fil qui vous énervent. C'est quoi les coups de fil qui t'énervent, Cariole, toi? Ouais, Romano, quand il me saoule toute la journée. Le pauvre Romano. T'entends, non, Romano? Tu sais, c'est Cariole qui dit ça. Attends, excuse-moi, mais quelle mégère. Ah non, bah ça, on est bien d'accord. Tu sais, je vais acheter le pain, je mets 5 minutes de plus. Ah non, t'es où? Ah ouais, donc. Qu'est-ce que t'es encore en train de faire? Mais bloquez-vous l'un l'autre. Ouais, c'est clair. Ne vous répondez plus. Alors, des fois, je lui réponds, mais attends, je suis en train de sauter la boulangère, j'arrive dans 5 minutes. Je suis dans ces miches. Hein. Salut les boulangères qui nous écoutent ce matin-là. Bon, on va reparler. Dites-nous ce qui vous énerve au téléphone. Et puis, dans un instant, les conseils pas chers, on s'en occupe. Avant 7h, je n'en ai pas parlé, mais on aura le sondage du jour. Tous les matins, le sondage du jour, c'est à 7h-5, 7h-10. Et aujourd'hui, on va parler des types de femmes que les hommes préfèrent éviter et les types d'hommes que les femmes préfèrent éviter. Vous avez vu, chez nous, c'est la parité. Hein. Ouais, ouais. Donc, on va vous dire tout ça. Vous verrez si vous êtes dans les catégories. Aïe, aïe, aïe. On saura tout avant 7h. Et là, on va vous offrir 1 500 €. La première enveloppe de la semaine. Allez, je vais l'ouvrir. Allez, vas-y. Quelle est belle. C'est beau sur tout ce qui est à l'intérieur. Un chèque de 1 500 € à gagner. Si ton téléphone sonne, réponse Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Oui, 1 500 € à gagner. C'est parti. On va ce matin pour le premier rendez-vous des 1 500 € sur Skyrock chez les Bordelais. On file en Gironde dans le 33 à Bordeaux et on appelle un expert. Ah ouais. Wow. Grissom. Non, parce qu'il s'appelle l'expert. Ah. Et puis c'est à Las Vegas, Grissom, Romano.

J'ai beaucoup ma meuf. Regardez les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Marjorie, elle, c'est son mec qui lui prend la tête parce qu'il a toujours envie de savoir où je suis. Bah ouais, bah c'est normal. Mais il est amoureux. Bah oui, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Et peut-être super jaloux. Et à Christophe, lui, c'est le contraire. C'est sa meuf qui veut toujours savoir où il est. C'est marrant, vous devriez vous rencontrer tous les deux, tiens. Ouais, c'est clair. Ouais. Christophe et Marjorie, vous connaissez pas, vous habitez pas au même endroit. Vous avez un point commun, vous écoutez Skyrock, vous êtes super. J'ai une application pour bloquer les relous, nous dit Dams. Ouais, bah ça c'est bien ça. Bah écoutez bien Romano, il va vous donner. Moi c'est ma mère qui me prend la tête, la pauvre. Hello qui nous envoie un message, hello pop. Mon chef me prend la tête au téléphone pour Titi. Une solution pour tout, les conseils pas chers. Et ce matin tu vas dénoncer une arnaque je crois. Hein. Ouais, exactement. Non mais je lis ça à Cariole par exemple qui est pas du tout une arnaque. Parce que Romano il est avec son téléphone dans la main, il est en train de chercher dans ses messages. Je me dis, il cherche un message de qui? Ça y est, t'es trouvé, hein, sinon. Non mais je... Bonne nouvelle. Avant-hier, Cariole, j'étais parti acheter un truc. Et là, elle m'envoie. T'es parti à Tombouctou ou quoi? Punchline, papapa. Eh, ça, c'est notre intimité, ça. Papapa, t'es parti à Tombouctou. Ouais, non, mais ouais. Tiens, je vais faire des courses si je me fais encore. Ah ouais, Tombouctou. Jeff du 5-9, ceux qui nous prennent la tête au téléphone, c'est souvent les opérateurs téléphone. Ah, mais attends, mais c'était un truc de ouf. Cariole, elle est chez SFR. Ouais, ça va, ouais. Oui, bonjour SFR. Mais à un moment donné, combien c'était genre. Tous les jours. Tous les jours, mais pendant 6 mois, à la même heure, il l'appelait. Attends, mais moi, j'ai le numéro d'une meuf comme Cariole, je l'appelle plus de 10 fois par jour. Ouais, c'est mignon. Si tu veux, je te la laisse une semaine. Je parie qu'au bout de 2 jours, tu me la ramènes. Bon, alors, c'est tombé dans 76 1500. Ouais, au Havre, Moussa. Eh ben, tu vois, ça tombe dans 76 aussi. Allez, peut-être chez vous, dans un petit peu plus d'un quart d'heure, 1 500 € à gagner. Mais là, c'est Romano qui gagne des sous. Alors, attention. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, les conseils pas chers, explique-nous tout. Bon, il y a une arnaque qui se développe. Ah, c'est j'aime bien quand tu dénonces ces arnaques. Il y a quelqu'un qui t'appelle d'une association de consommateurs. Oui, bonjour, c'est 79 millions de consommateurs au téléphone. Ouais, et en fait, ils te demandent de financer le plan anti-arnaque téléphonique. Et alors qu'ils sont en train de t'arnaquer. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même, parce que c'est une arnaque internationale. Yeah. Et il y a quand même une Suisse qui s'est fait pigeonner. Bon, la meuf, elle s'est fait stalker 45 000 euros. Bravo. Pas mal. Bravo les arnaques. Et comment elle a fait, la dame? Bah, elle a financé le service anti-arnaque. Mais elle a comment ça? Il y a des gens, moi je les comprends pas moi. Il y a un type qui me demande de donner ne serait-ce que 5 euros au téléphone. Je lui dis bon écoute, je te connais pas, t'es gentil, mais bon t'arrêtes de me faire. Bah, il y en a qui se laissent embobiner. À la preuve, la dame suisse, 45 000 euros. 45 000 euros. Ça c'est une belle arnaque. Bravo à l'arnaqueur. Vraiment, oui. C'est un coup de maître. Magnifique. Donnez jamais des sous quand on vous les demande au téléphone. Un premier conseil qu'on peut vous donner là ce matin. Bah ouais, mais les gens ils en ont tellement marre, tu sais, entre les mecs qui t'appellent pour te vendre des fenêtres ou pour te vendre du vin ou pour te vendre je sais pas quoi. Oui. Les gens craquent et au bout d'un moment la dame suisse, elle a peut-être eu marre, elle a dit je vous donne 45 000 euros. Laissez-moi tranquille. T'as pas son numéro à elle parce qu'on peut la harceler toute la matinée. Bah, hein. Malheureusement non, on a mené l'enquête mais on n'a pas trouvé le numéro de la bonne dame. Merde, tu vas faire quoi alors? Bah ce matin je vais appeler les gens, je vais leur dire vous en avez marre de recevoir des appels. Dérangeant. Oui. Ouais. Eh bien, il faut financer le service. Bon, moi, je vais peut-être pas faire 45 000 euros. Je vais faire, 50 euros. Parce que t'es très, très, très généreux. Bah, c'est un peu les soldes. Bah oui. Là, ce que je propose aux familles. 50 euros, c'est donné. Et là, on va chez Rouy. Rouy, comme le fromage. C'est ça, ouais. Mais il pue en plus. Oui, il pue le Rouy. Hein. Oui, allô, c'est Rouy? Oui, c'est moi. Ouf. Oui, bonjour, comment allez-vous? Tu fouettes, hein, toi? Ça va, dis-moi. Bon, ça m'inquiète. Bon, rien de grave. T'inquiète pas. Je fais partie du service anti-arnaque téléphonique à l'appareil. Ah, ouais. D'accord. Et de temps en temps, vous recevez des coups de fil pour vous vendre des trucs ou vous changez votre forfait, tout ça? Tout à fait, oui. Oui. Eh bien, je vais vous donner la possibilité ce matin, monsieur, de ne plus avoir d'appel intempestif en me donnant la modique somme de 50 euros. Et là, à tout jamais, vous ne recevrez plus de coups de fil, puisque je vais venir couper les fils. Ah, bah, si tu viens couper les fils, c'est très bien, alors. Bon, bah, je peux passer surtout dans... Surtout sur un portable. Eh oui. Dans 10 minutes, un quart d'heure, je viens couper le fil du portable. Bah, d'accord, dis-moi, alors. Bah, je viens avec ma pince coupante, je coupe les fils. Mais t'as pas besoin de prendre une pince coupante, j'en ai une ici. Ah bah, c'est parfait. Bah, nickel. Bah, j'arrive, tu me prépares surtout le billet de 50 euros. En photocopie ou comment? Ah non, en original. Ah merde, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Bah, je vais venir, je vais t'emmener à la banque si tu veux. Il y en a un qui suffit. Hein. Oui. Ou même, je prends 5 billets de 10, 2 billets de 20, billets de 10. Ah, t'es pas chiant, toi. Non. Je prends même de la monnaie, hein, y a aucun souci. Hein. D'accord. Par contre, je ne la rends pas. Ah, d'accord. Bon, bah, je me pointe dans 5 minutes alors et je coupe tout. Non mais je vais travailler, donc c'est emmerdant, tu viens au boulot, c'est mieux. Voilà, je vais venir au boulot. Bah écoute, d'accord. Je te passe ma secrétaire, tu donnes l'adresse et j'arrive ce matin. Et d'accord, pas de problème. Au boulot, t'as des collègues à arnaquer comme toi ou pas? Oui, ouais, il y en a plein. Ah, il y a plein de cons. Il y a plein de pigeons là-bas. Il y a plein de pigeons. Ah bah parfait. C'est parfait, moi j'adore ça les pigeons moi. D'accord. Eh bien à tout de suite. Bon bah à tout de suite, mais non je serai parti hein. À tout de suite au boulot, t'inquiète, au boulot. Ne raccroche pas, je prends ton adresse, bisous. D'accord. Bisous, ouais. Bisous Rouy, t'as le nom d'un fromage hein. Ah d'accord, c'est gentil hein. Bah de rien, voilà. Eh ben, je t'embrasse. Salut Rouy. Salut Rouy. Bisous, bisous. Donc lui il est bien parce qu'il te file 50 euros déjà. Bon, c'est plus ce que tu voulais. Clients. Plus t'as de nouveaux clients potentiels, il y a plein de comptes dans son entreprise. En fait, si vous connaissez Rouy, un parrain, quoi. Et que vous bossez avec lui, vous avez vu ce qu'il pense de vous quand même. Ouais, il y a que des cons là-bas. C'est ça, c'est un peu ton parrain là. Ouais, c'est bien. Bon, faites attention aux attaques téléphoniques. Ah oui, attention, la dame, 45 000 euros ils lui ont piqué. Et sinon, faites comme Carlos là sur SMS qui lui bloque tous les numéros qui sont pas identifié, ouais. Ou alors tous les numéros de ses ex, t'as un tombeur, t'en as plein des ex toi, et les numéros des casse-couilles de la famille dont ma tante qui est une grosse connasse, eh ben dites donc. Ah ben voilà. Merci Carlos pour ton message là. Et à Gerty, une fille qui travaille chez Orange, ouais. Je vois des gens victimes d'arnaques téléphoniques au moins deux fois par jour, ah ben t'auras peut-être Rouy aujourd'hui. Bah oui, Rouy qui va t'appeler. Merci Gerty, on te fait un gros bisou. Allez, dans un instant, une minute même pas, l'horoscope de l'amour, il arrive sur Skyrock, votre horoscope de ce lundi pour savoir comment on va démarrer la semaine, et on va parler d'amour encore dans le sondage du jour. Tiens, dites-nous quels sont les types de femmes que vous préférez éviter, les gars, et les types d'hommes que vous préférez éviter, les filles. Genre, par exemple, je sais pas, le fan de foot qui ne pense qu'à son, qui pense qu'à son ballon et qui pense jamais à vous, peut-être pour vous, les filles. Je donne un exemple comme ça. Hein. Oui, oui. Ou alors la relou qui essaye de vous piquer toutes vos thunes, qui dès qu'elle passe devant une petite robe, oh, elle m'irait bien celle-ci. Oh, mais t'as vu, et puis il y a le collier qui va bien avec en plus. Voilà. Donc, dites-nous les types d'hommes et les types de femmes que vous préférez éviter, et on vous donnera les résultats du grand sondage du jour, comme tous les matins, le sondage du morning arrive aussi. Avant 7h, le ghetto phénomène et Jul, et puis Drake et Rihanna qui arrivent tout de suite. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€? Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. 6h50 sur Skyrock, c'est l'heure de l'horoscope de l'amour ce matin. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce lundi 19 septembre. On va démarrer par les cancers et les vierges. Puissance amoureuse à zéro, un petit malentendu pourrait assombrir votre journée. N'hésitez pas à vous expliquer. Et après, tout rentrera dans l'ordre. Il suffit juste d'éclaircir tout ça. 1 sur 5, les lions et les béliers, vous serez en mode autocritique aujourd'hui. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Bah oui, si vous faites pas des compliments à vous-même, qui va vous en faire? Les lions et les béliers. 2 sur 5, les gémeaux et les scorpions. Un ex ou une ex pourrait chercher à vous contacter. Alors la bonne ou mauvaise nouvelle. Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas les Verseaux, Romano. Ce serait peut-être Gauthier qui t'aurait passé un coup de fil comme ça. Ah ben, j'échappe à ça. 3. Ah, les Capricornes et les Balances, suivez vos intuitions aujourd'hui. Elles ne vous tromperont pas. On a du pif aujourd'hui, les Capricornes et les Balances. Les Poissons et les Verseaux, ben on est à 4. Enfin, pour vous. Les célibataires, vous prendrez des risques et ça va payer. Et pour les couples, vous saurez surprendre votre partenaire et ça va payer aussi. Et sinon, on finit avec les Sagittaires et les Taureaux. Les planètes seront de votre côté. Oui, Cariole, t'as vu. Ouais. En ce début de semaine, les planètes de l'amour sont chez vous. Votre pouvoir de séduction est décuplé. Waouh! Wow. Profitez-en, bah vous aussi en écoutant Skyrock, profitez-en. Cariole est Sagittaire. Ouais. Oui. Voilà, moi je suis Capricorne, j'ai 3, Romano il a 4, il est Verseau. Bah, c'est la folie. Pas mal l'équipe, hein. pas mal. Bon, bonne journée à vous, bonne journée d'amour, et dans un instant, le sondage du jour sur Skyrock. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Oh yo yo yo, c'est Drake et Rihanna de la suite sur Sky. I don't know how to talk to you, I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you, I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately, you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as expectation. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. I feel bad for asking. It can't end like this. Gotta take time with this. Cock up your bumper, sit down bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Aïe, aïe, aïe, aïe, Drake et Rihanna sur Skyrock. Le beau couple, les amoureux, Drake Rihanna, 6h55. 6h55, c'est l'heure du sondage du jour. Voici les types d'hommes que les femmes préfèrent éviter. Les types d'hommes que les femmes préfèrent éviter, les types de femmes que les hommes préfèrent éviter. Oui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sondage du jour, c'est parti. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Ouais, vous avez pas les relous, mais c'est normal aussi, hein. Moi, je préfère éviter les michos pour monsieur Titanium. Salut, monsieur Titanium. Miss Stone, elle n'aime pas les gros cons, tout simplement. Mm-hmm. Vous allez voir mes catégories à moi, elles sont un petit peu plus claires. Voici donc le sondage, et on va commencer par les types d'hommes que vous préférez éviter, les filles. Numéro 3. Les types d'hommes que les femmes détestent. Numéro 3, le toutou. C'est le mec qui dit amen à tout, qui vous suit partout, qui obéit au doigt à l'œil, qui a pas de caractère, qui est tout mou. Ça vous énerve, les toutous. Ouais, ça, je peux comprendre. Ils sont gentils pourtant. Non, mais je mets ça dans l'autre sens, c'est relou tout le temps. Tu n'aimes pas les toutoutes, toi, Romain? Non, moi je préfère. Carriole, elle est un peu revêche, quoi. Tu n'aimes pas les. Pas faire, quoi. Tu n'aimes pas les toutoutes, tu préfères les tigresses. Ouais, là, c'est ça. Oui, quoi, donc, les tigresses, ouais. Donc les toutous, c'est à éviter pour les gars. Les filles, vous aimez pas. Numéro alors, attention. Numéro 2. Les radins, Romano. Ah. Et ouais, le mec qui ne met pas de chauffage pour éviter qu'il fasse que ça fasse une grosse facture. Celui qui n'invite jamais au resto, qui sort jamais pour pas vous pour pas. Ah non, bah moi je me mets pas là-dedans. Hein. Moi il y a du chauffage. Hein. Ah, bah attends, Romano, il a du chauffage. Et tu vas terminer en nous disant que t'es pas radin. Hein. Non, pas spécialement. Non, mais j'habite carrément au resto. Pas des du fois. Tout. Pas du attends, ce week-end, je vais payer du vin. Waouh. Elle était contente. Bah ouais. Je vais acheter son cubi de vin. Voilà. Comme ça, elle lui fout la paix tout le week-end, il est tranquille après. Ah ouais. Numéro 1. Numéro 1, les types d'hommes que les femmes détestent. La loque. Le mec qui est mou, qui ne fait rien, qui se laisse aller, qui a une hygiène douteuse, qui était super avant de sortir avec vous, et une fois qu'il est avec vous, ben, fait plus attention à rien. Ouais, c'est la dégradation. Voilà, donc, la loque, le radin et le toutou, c'est les types d'hommes que les femmes détestent. On passe maintenant au type de femmes que les hommes détestent, bah oui, hein, c'est la parité, c'est pour vous maintenant. Et c'est un top 3 aussi. Numéro 3. La nymphomane. Alors au début, t'es content parce qu'elle a envie de baiser tout le temps, mais au bout d'un moment, tu t'inquiètes et tu te dis, mais si elle a tout le temps envie, si moi j'ai moins envie, elle va aller en voir un autre, donc à partir de là, paranoïa totale. Oui. Danger, la nymphomane. Numéro 2. Numéro 2. Ah, la relou qui te fait la morale tout le temps. Tout le temps, elle te critique sur des trucs que tu fais. Elle ne couche que pour faire des enfants. C'est l'horreur. Ah ouais. C'est donc la relou qui te fait la morale tout le temps. Ah oui, féconde-moi, mon chéri. Oui, mais. uniquement pour la fécondation. Oui, ah. Uniquement, oui. Et après, tu fais plus amour avec elle jusqu'au prochain bébé, c'est-à-dire à peu près 9 mois, 1 an plus tard. Ouais, c'est ça. On numéro passe 1. À la numéro 1, le type de femme que les hommes détestent, la vénale. Bon, ça, c'est en tout cas tous les messages que vous nous avez laissés, vous aimez pas ça. La vénale, voire la michetonneuse. Les bijoux, les chaussures, les vêtements de marque, tout l'intéresse. Ouais. Et tout ce qui l'intéresse, bah vous avez l'impression que c'est votre argent. Elle fait des caprices, elle adore les cadeaux, elle a des goûts de luxe. Mmh. Et ça, bah les gars, vous aimez pas. Donc la fille que vous détestez le plus, le type de fille que vous détestez le plus, les gars, la vénale, celle qui vous pique de la thune. C'est ça. C'est logique avec le truc des radins dans l'autre sens. Ouais, ouais, ça marche bien. Ouais. Voilà, vous savez tout, c'était notre sondage du jour. Voilà, si vous vous reconnaissez dans une des catégories, faites gaffe. Fais gaffe, Romano, je crois que les gens disent que t'es radin. Ouais, ouais, non, mais je me méfie. C'est vous des mauvaises langues Parle mal. Ah, il parle mal. Parle mal. Oui, alors il y a un fond de vérité, je sais pas. Ah, non, pas du tout. 1500 euros. Allez, c'est parti, dans un instant. T'es tellement radin que t'as pris l'enveloppe, là. Ouais, ouais, c'est bon. L'enveloppe. J'ai l'enveloppe. On l'ouvre dans un instant, on vous offre de l'argent. On écoutera également Ghetto Phénomène et Jul tout de suite sur Skyrock dans une minute. Le son du Ghetto Phénomène, les Marseillais, les potes de Jul sur Sky, c'est Maria Maria. Radio libre, tous les soirs sur Skyrock. Bon, double appel, c'est parti. Allô ? Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, j'ai rien demandé, moi. Ah ben, moi non plus. 21h minuit. Non, mais je vous appelle pas, là, c'est quoi cette connerie ? Ça va pas, non, espèce d'idiot ! Mais je vous emmerde, madame, je vous ai pas appelé. Allez vous faire foutre. Tifoul, Radio Libre. What the fuck ? 21h minuit sur Skyrock. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Vous croyez aux histoires sur la sorcière de Blair Witch ? Selon la légende, cette forêt aurait été maudite. Ne jamais la regarder dans les yeux. Bouille pas ! Mets-toi dans le coin ! Regarde pas ! Ne jamais la laisser prendre le contrôle. Il faut faire ce qu'elle t'a dit ! Et surtout, ne jamais céder à la panique. Ça va aller. Okay. Ça va aller. Blair Witch, le 21 septembre au cinéma. Avec Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Ah super ça pour se réveiller, le Ghetto Phénomène, les Marseillais et Jul sur ce morceau, c'est Maria Maria, juste avant les infos et les 1500 euros. C'est pas les données, oh, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Sur Skyrock, les Marseillais du Ghetto Phénomène. On écoutait Ghetto Phénomène et Jul. Pour Maria Maria, bonne journée, bon réveil. Merci d'être là avec nous sur Skyrock. On se réveille ensemble. On est en pleine forme depuis 6 heures là. Ouais. Ouais. Début de semaine, tout va bien. Bon, ça va. Bonjour à vous. Si vous venez de vous brancher, vous tombez bien puisque dans un instant, on a 1500 euros à vous offrir. 1500 euros toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock. Pour augmenter vos chances de gagner, vous envoyez 1500 au 720. Sinon, vous attendez qu'on vous appelle. On tire aussi dans l'annuaire. C'est Romano qui a l'enveloppe qui l'ouvre, ouais, dans un instant là. 1500 euros à gagner. DJ Snake a écouté aussi. Ah, Silento avec Watch Me, je lance ce morceau. Et puis Alonso, tiens, on était à Marseille. On y retournera tout à l'heure. Alonso arrive sur Skyrock. Et tout de suite, vos infos, il est 7h02. Les infos avec Rémi, le point sur l'actu et le point sur la météo pour aujourd'hui. Eh ben ouais, un début de semaine encore couvert et même pluvieux, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu samedi et ce week-end. Ciel nuageux sur la plupart des régions, hormis près de la Méditerranée. Des averses dès ce matin attendues en Bretagne ou encore sur la Picardie. Les températures comprises entre 10 et 18 degrés ce matin, 18 à 21 cet après-midi, même 24 à 26 dans le sud-est. La pollution, et on respire plutôt bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île, Reims et Cannes. N'oubliez pas le réveil de Star, c'est dans moins de 10 minutes à 7h10. Et puis n'oubliez pas l'iPhone 7 à gagner à 7h20 avec Info au Mytho et les infos tout de suite. Les infos et le sport sur Sky. Et une mauvaise nouvelle pour ceux qui font beaucoup de routes. Le prix des autoroutes va encore augmenter dans les prochaines années. La hausse sera de 0,3 ou 0,4% entre 2018 et 2020, annonce faite par le gouvernement pour lancer un plan d'amélioration du réseau. À coût total de la facture, 1 milliard d'euros. Le swatting, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais c'est comme ça qu'on appelle un canular téléphonique. Et c'est donc l'hypothèse d'un acte malveillant qui a été privilégié après la fausse alerte de prise d'otage ce week-end à Paris. Les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse dans le quartier des Halles. Finalement, il n'y avait rien. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires. Ce sont deux adolescents qui se vantent sur Facebook d'avoir fait ça. Ils ont 16 et 17 ans et disent vouloir avoir, juste faire du buzz. Les recherches poursuivent pour les retrouver. Ils encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. L'acte terroriste qui ne fait plus de doute par contre après l'attaque au couteau dans un centre commercial du Minnesota aux États-Unis, le FBI avait des doutes que Daesh a levé en revendiquant les faits. Au moins 9 personnes ont été blessées. L'assaillant a été abattu. Il s'agit d'un étudiant d'origine somalienne. Un très mauvais signal envoyé à Angela Merkel à un an des élections fédérales. Le parti de la chancelière allemande a signé son pire score de l'histoire au régional à Berlin. La CDU n'a recueilli que 18%, ce qui va pousser les conservateurs à quitter le gouvernement de la capitale. La droite populiste a fait une percée et va faire son entrée pour la première fois au Parlement local. Et on parle sport maintenant avec la Ligue 1, bien sûr, et le Tour d'Europe des stades, comme tous les lundis. Eh ben oui, voilà, 5e journée de Ligue 1, pas de gagnant pour le premier choc des Olympiques cette saison. Marseille et Lyon se neutralisent 0-0. Saint-Etienne a dominé Bastia 1-0 et match nul, un but partout entre Montpellier et Nice. Au classement, Monaco est en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. Le Tour d'Europe des stades donc, Manchester United n'a rien pu faire hier soir contre Watford en 5e journée de Première Ligue. Score final 3-1. Arsenal s'impose 4-1 contre Hull City et le leader, Manchester City, a dominé Bournemouth 4-0. En Espagne, 4 victoires sur 4 pour le Real qui remporte son pari contre l'Espagnol Barcelone 2-0. Le Barça, deuxième du classement, a dominé ce week-end Leganés 5-1. L'Atlético Madrid, de son côté, a laminé le Sporting Gijón 5-0 avec un doublé signé Antoine Griezmann. En Allemagne, le Bayern de Munich reste dominateur du championnat après une victoire 3-1 contre Ingolstadt. Les Munichois sont quand même talonnés par Berlin qui s'est imposé 2-0 face à Schalke 0-4. Enfin, en Italie, Naples prend le dessus au classement après un succès 3-1 contre Bologne. Dans le même temps, la Juve s'est inclinée 2-1 contre l'Inter Milan. La Fiorentina s'impose 1-0 contre la AS Roma. Le rêve de la Coupe Davis qui s'éloigne encore un peu pour les tennismen français. Les Bleus n'ont pas réussi à accrocher la Croatie en demi-finale et sortent de la compétition. La Croatie qui affrontera en finale donc l'Argentine. Merci Rémi pour les infos et rendez-vous tout à l'heure à 7h30 pour la suite. Il est 7h05 sur Skyrock, c'est l'heure de vous offrir de l'argent. Allez, 1500 euros. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Oh, il est fort. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Eh oui, moi j'ai reconnu tout le monde sauf le premier. Je vois pas qui c'est. Moi non plus. Il est fort, c'est en toi. Tout cas, hein. Il est fort, le mec avec le nez là. Mais c'est toi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, et Cédric n'est pas là. Merci pour les messages pour Cédric. Hein. Je rentre de vacances et je n'entends pas Cédric. Cédric est chez lui avec une clavicule cassée et des quêtes cassées également. Ouais, il y a 4 quêtes. Il nous a expliqué bon là, j'ai la clavicule cassée, j'ai des quêtes cassées également. Donc moi je suis allé le voir samedi avec Karim d'ailleurs. Ouais. Mais il faut qu'il range chez lui, Cédric. C'est une porcherie, c'est ça. Ah non, mais c'est Romano. Tu avais témoigné. T'as raison, hein. Ah putain, tu viens de me dire ça, on y va ce matin, lui, avec Cariole. Ah bah tu nous raconteras ce soir, mais ouh là là là, j'espère qu'il aura rangé depuis samedi. Hein. C'est que Karim ne voulait pas rentrer à l'intérieur tellement c'était sale. Ah moi, au début, j'avais prévenu. Hein. Ah, non, mais c'est sale. J'avais dit qu'à côté, la vieille émission de télé, c'est du propre. C'était propre. Hein. Bon, sinon Cédric vous embrasse, on l'aura au téléphone peut-être dans la matinée, peut-être avant 9h. C'est mignon le lundi matin. Ah ouais, qu'il nous embrasse, ouais. Et peut-être ce soir entre 21h et minuit. Sinon, bah écoutez, ça va à peu près. Il a un chien de... Ah tu vas être contente, il a un chien de 4 cm de haut qui le met à l'amende. Cédric, il a peur. Je sais, on a fait un FaceTime avec son chien et le mien. Ouais. Eh ben écoute, ça va être sympa, ça tient. Ah bah tiens. Des trucs à vous raconter, ce sera dans la matinée ou ce soir. En tout cas, merci pour les messages pour Cédric. Ça va lui faire plaisir. Il y a Gwendo qui nous disait, il revient quand Cédric, il commence à me manquer. Petite non. pensée pour lui. Bah écoute, tout va bien, par sa clavicule et ses côtes cassées. Ouais. Ses côtes cassées, pardon. La clavicule et ses côtes cassées. Les côtes. Oh, on va vous offrir 1500 euros et puis dans un instant, il vient réveiller la France. M. Pokora. Alors, ouais. M. Pokora. Un peu le nouveau Claude François. C'est vrai, il a repris une chanson de Claude François. Ah non, mais ouais. Bah, pas qu'une chanson, hein. Il fait un album entier. Hein. Mais ah non, Claude François. Ouais. Ouais. Juste pour ça, c'est le nouveau Claude François. Vous avez pas vu dans son clip, il est blond décoloré comme Claude François. Ah non, j'ai pas vu, gros. Ça va. Et, mais M. ou Matt, on peut s'appeler Matt. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais. Mais tu es tout perdu, dis donc. Tu as quel âge? Mais c'est pas la question, mais. Ben ouais, c'est pas la question, mais. Ça va pas. Comment tu t'appelles? Moi je suis Difool, mais c'est pas la question non plus, ça va plus du tout. Ah ouais, c'est Claude François. Dans un instant, Claude. C'est Claude Matt Pokora. Claude Matt Pokora. Allez, on le retrouve, réveil de star. Mais tout de suite, comme promis, c'est l'heure de vos 1500 euros. 1500 euros à gagner à 7h08. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Difool t'appelle? Ouais, c'est pas vous aussi. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Eh ben avant le réveil de star, c'est le réveil des 1500 euros, encore plus sympa. Hein. 1500 euros à gagner, c'est toi qui as l'enveloppe, Romano, et tu l'as ouverte. Ouais, et on va en banlieue parisienne dans le 77. Oui, et le chèque que tu viens de mettre dans ta poche, par contre, il est pas pour toi, Romano, parce que j'ai vu. Hein. Non, non, mais pas du tout. Pas du tout. Il est pas du tout pour toi. Nous allons à Villeparisis. Il est pour quelqu'un de Villeparisis, le chèque. C'est Monsieur Mollard. C'est pas vrai. Si, c'est Fabrice. Fabrice Mollard. Fabrice Mollard. Très bien, bonjour Fabrice. Allez, on appelle Fabrice Mollard à Villeparisis, voilà. 77. Même quand on a un nom difficile à porter, on peut aussi gagner les 1500 euros. Ça sonne chez les Mollard ce matin. Non, je crois pas. Non. Je crois que Fabrice nous écoute. Ça fait des années, putain. Tu as vu, on s'est un peu... Et je vous écoute en plus, mais je crois pas, c'est un truc de malade. Bon, on s'est un peu moqué de toi, Fabrice, mais, on arrive avec une bonne nouvelle. Si. Dis-moi juste quelle est ta radio préférée, Fabrice. Bravo. Bravo, Fabrice, 1500 euros pour toi. Franchement, juste un truc à dire. Vas-y. Tous les Zaïrois, bonjour tous les Zaïrois. Bonjour le Zaïre. Bientôt retiré dans l'Éritrée Watanabe. Éritrée Watanabe, bientôt retiré dans l'Éritrée Watanabe, bientôt. C'est Skyrock Zaïre que vous écoutez en direct. Mais le Zaïre, ça n'existe plus, c'est le Congo aujourd'hui. Skyrock. Eh bien, Skyrock. Au Zaïre, au Congo, à Villeparisis, dans le 77. Ouais. Eh bien, on gagne 1500 euros partout. 1500 euros pour toi, Fabrice. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros? Je vais pas jouer un cadeau à ma femme. Ah, bah, c'est gentil. C'est bien, ça. C'est bien, ouais. Bah, écoute, c'est un bon cadeau. C'est bien, ça, Fabrice. Bien joué. Tu, donc, ta femme, si elle t'écoute, comment elle s'appelle ta chérie? Qu'on lui fasse un petit coucou. Ma chérie, elle s'appelle Sol Ganseka. Et mes enfants, Brighton, Karen, Taliana. Les trois. Salut Brighton, Canada. Oh yeah. Ok. T'es pas un Américain du Zaïre, toi, dis donc. Ah, c'est ça. Bravo Fabrice, 1500 euros, t'es le premier gagnant de cette semaine, pas le dernier, puisqu'on rejouera dans une demi-heure, on rejouera dans une heure et demie, toutes les demi-heures. 1500 euros à gagner. On t'embrasse, Fabrice, raccroche pas, hein. Merci, merci beaucoup. Merci, Fabrice. Et vive le Zaïre. Ouais. Kinshasa. Salut à toi, Fabrice. 1500 euros, t'as gagné tout à l'heure sur Skyrock. Préparez-vous, 7h10. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Allez, un petit J-Snake avec un Justin Bieber dessus. Et dans un instant, le réveil de star sur Skyrock avec M. Pokora. Il est 7h10. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up. Snake et Justin Bieber pour Let Me Love You sur Skyrock à 7h14. Attention, attention, ce lundi démarre bien. On a Info Mytho dans un instant pour vous. Info Mytho, c'est pour gagner vos iPhone 7. Je dis ça pour les nouveaux qui se branchent sur Skyrock. Je vous donnerai la question de sélection et après vous jouerez yes. avec Cariole et avec Romano. Ouais. Il faudra découvrir le mytho parmi les deux. On va parler service après-vente dans Info Mytho. Et on parlera aussi d'une des raisons pour lesquelles les trains sont bloqués parfois. Vous savez, vous êtes dans un train et puis le train s'arrête. Ouais. Et ben vous voulez savoir pourquoi? Restez bien là, Info Mytho, ça arrive. Mais là, 7h14, c'est l'heure de notre grand réveil de stars. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et oui, tous les matins, les stars réveillent la France. Et il est là, il va se présenter. Je m'appelle Matt Pokora. Salut Matt Pokora. Il fait fantasmer plein de filles, c'est que ça m'a fait plaisir l'autre jour. C'est qu'on m'a pris pour lui l'autre jour dans la rue. Ah ouais? Je trouve qu'on a un point commun. C'est peut-être la musculature et puis le visage beau gosse. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Ouais, c'est incroyable. Tu le trouves beau gosse, toi, M. Pokora? Non, t'aimes pas trop? Pas du tout. Pourquoi t'aimes pas du tout? Trop beau gosse. Romano! Trop beau gosse, ouais, voilà, trop parfait, trop lisse. Trop parfait, trop lisse. J'aime bien les mecs pas super beaux, moi. D'accord, bah écoute, tu es servi. Je citerai personne dans l'équipe, mais on s'en était rendu compte, Cariole. T'aimais bien les mecs super beaux. C'est une femme de goût. Romano, voilà. tu le trouves beau gosse, Matt Pokora? Ouais, y'a pire. Ah, ça va, hein. Ouais. Bon, il a un peu trop de tatouages, mais. Ouais, ça le fait chier d'ailleurs, les tatouages, lui. Bah oui, bah il fallait réfléchir avant. Mais je crois qu'il les fait enlever, là. C'est du coup, il les fait enlever, il ouais. Il n'y a plus les tatouages dans le cou. Parce que Claude François, il n'en avait pas, et vu que c'est le nouveau Claude François. Matt Pokora, le nouveau Claude François, c'est ouf. Ouais, hein. Il a repris, quand c'est cette année-là, Ah ouais. Je chante. Là, il a déconné, là. Ouais, t'as déconné, Matt. Mais il chante comme lui, quand il chante, il fait. Non, mais il a fait un remix, mais. Tu sais, on dirait du bon tant pis un peu. Ouais, bah. On passera pas de boue. Pas de boue. Bon, M. Pokora. Buongiorno. Buongiorno, qui parle toutes les langues et qui va appeler Patrick maintenant. Patrick. Oui, Patrick. Bonjour, Patrick. Un nouveau Patrick pour M. Pokora. Comment va se passer le contact? Bah, écoutez, on va voir ça tout de suite. C'est parti. M. Pokora de The Voice, de Claude François. Et sur Skyrock ce matin pour réveiller les Français. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Oui. Ça va? C'est de la part de qui? Je m'appelle Matt Pokora. Il s'appelle comment, mon mari? Patrick. C'est Patrick. Ah, je préfère. Et vous êtes bien monsieur Mathieu? Ouais, c'est ça. Voilà. Allô? Allô? Oui. Ça va? Mais qui êtes-vous? C'est M. Pokora. Hein? Et moi, je vous connais pas. Quel est ton style de musique de prédilection? Non, mais attendez. Attendez. Ouais. Pourquoi vous m'appelez, là? Ton timbre de voix est super original. Et alors? Tu as déjà pensé à écrire des chansons d'amour? Non mais c'est quoi ce bordel là? Vous êtes qui? Je m'appelle Matt Pokora. Matt Pokora, oui, ouais. Le chanteur. Voilà. Ouais. Ouais, et moi je m'appelle Henri IV. Non mais alors arrêtez de déconner. Sortez-vous les doigts du cul. Moi je vais appeler les gendarmes, comme ça on va arranger cette histoire. Va me faire un bisou. Allez, arrêtez parce que là sinon ça va aller trop loin, j'appelle les gendarmes. Ok, vas-y. N'importe quoi d'appeler les gens comme ça quand on les connaît pas et puis se foutent de leur gueule. Je peux voir la lumière qui émane de toi. Mais de toute façon, demain, moi, je vais informer de... Je vais savoir d'où cet appel vient. Waouh. T'inquiète pas, tu vas voir. Tu vas avoir des problèmes par la gendarmerie. Je suis assermenté, mon gars. Alors, t'étais mal dans ta peau. Ah bah ça. Je me sens très bien. Ouais. Non, lui, il se sent bien. Ouais. Il se sent très bien. Mais il est assermenté. Il est assermenté. Ah, ouais, je suis assermenté, t'es mal tombé là. Et nous avons parlé à Henri IV. Ouais, ouais. C'est la classe quand et même. Et ça, on en a de la chance. Waouh. Waouh. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à n'importe qui dans le réveil de stars. Non. Moi, c'est Henri IV. N'hésitez pas à utiliser cette punchline d'ailleurs auprès de vos amis. Je pense qu'elle fera fureur aujourd'hui. Moi, je suis Henri IV. Ouais, moi, je suis Henri IV. Ouais, ouais. La classe. Et assermenté. Et assermenté en plus. Bon, merci pour le réveil de stars et bonne chance pour Info Mytho. Ça arrive tout de suite sur Skyrock, le temps d'écouter. Ah, ça c'est bien aussi. Silento sur Skyrock. Watch me néné. Watch me néné. À 8h, à 7h18. Break your legs. break your leg, break the none and break your leg, break 'em. Break your leg, break the none and break your leg, break 'em. Break your leg, break the none. Now I mean bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Now I mean whip, hey, now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nae nae. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nae nae. Can you do it? Now watch me, ooh, watch yeah. Me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me. Sur Skyrock, on écoutait Silento à 7h21. Et à 7h21, on va jouer à un faux mytho maintenant avec une question de sélection. Et je vous avais promis de parler service après-vente. Cariol va vous parler dans un instant de train qui reste bloqué. Et Romano, je sais pas, ouais. Parce que Romano ouais. Est à la chasse aux infos. Non, non, mais ça y est, moi je l'ai. Ça va être quelque chose sur des examens. Très bien. Donc, examen d'école, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, on s'en occupe dans un instant. Mais ouais. Tout de suite, question de sélection. C'est comme ça qu'on gagne l'iPhone. C'est ce que nous demande Picsou là. Comment on fait pour gagner l'iPhone 7? Eh ben déjà, réponds à la question de sélection au 41759 et sur l'appli Skyrock, il faudra nous dire info ou mytho. Attendez que je vous raconte la petite histoire d'abord, et puis attendez mon top. On parle service après-vente. Vous avez déjà eu des problèmes avec le service après-vente d'un truc? Ouais. Avec mon canapé. Ton canapé. Eh bien justement, maintenant, on va parler d'une femme qui s'est plainte que son canapé, ouais. son canapé déteignait et s'affaissait seulement un an après son achat, alors qu'il était garanti. Bah attends qu'elle se plaigne pas, hein. Moi, au bout de deux mois, les coutures, elles se défaisaient. Alors, ouais. Alors, elle a appelé le service après-vente, elle a exigé un remboursement, disant que le canapé, ça allait pas, il déteignait sur ses vêtements, ça faisait des taches de partout, en plus, il s'affaisse. Et le magasin lui a répondu que c'était parce qu'elle était trop grosse, oh, que le canapé s'affaissait. Ah, madame, vous êtes trop grosse, vous êtes une grosse vache. Sympa comme tout, mais en gros, c'est ce qu'ils lui ont dit. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? C'est au 41759 ou avec l'appli Skyrock, où vous envoyez vos messages, je donne le... Top! Maintenant, on prend les messages à partir de maintenant. Une femme s'est plainte que son canapé déteignait et s'affaissait seulement après un an après son achat. Elle a exigé le remboursement, on lui a répondu, c'est parce que vous êtes trop grosse, madame. Est-ce que c'est vrai? Sympa, en tout cas. Est-ce que c'est si faux? Si c'est vrai. Info ou mytho, tu vas voir. La réponse dans un instant, on vous dit tout. Et puis votre iPhone a gagné, c'est info ou mytho, c'est parti dans le morning à 7h22. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Okay. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez. Partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go ouais. Est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 gigas à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Leclerc. Le 27 septembre, la plus belle des foires au vin de France s'installe chez Leclerc, le créateur de la foire au vin. À partir du 27 septembre, retrouvez la foire au vin chez Leclerc et sur le site foireauvin.leclerc avec une sélection des meilleurs vins et des incroyables. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 7h26 sur Skyrock. Dans 5 minutes, on vous offre 1500€. Vous aurez vos conseils pas chers tout à l'heure à 7h40. Et là, ouais, c'est Info Mytho. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Nifoul sur Skyrock. Et c'est Clément qui est avec nous en direct de Rennes, qui était le plus rapide à laisser la bonne réponse après mon top. Bien joué, Clément, hein, t'as grillé tout le monde. Et les autres vont jouer dans une heure, hein, on joue tout à l'heure, on jouera à l'invité mystère. Salut Clément. Salut. Donc 18 ans à Rennes, tu fais quoi dans la vie, Salut, Clément? Moi, rien, là, je sors du lycée, l'université, tout ça. Rien, oui, donc tu fais rien, ouais. Voilà, tranquille. J'ai plein de potes et de copines qui allaient à l'université qui en branlaient pas une aussi, c'est un truc de ouf. Hein, la fac, magnifique. Ah ouais. Alors, Clément, on va te faire bosser ce matin, attention, hein. Voici donc. Ah bah oui. Ah bah ça, t'étais pas au courant. Oh putain, c'est fatigant. Toi, t'es un gros feignant. Ah ouais. Alors, info mytho. La réponse à la question que je posais il y a un instant. Une femme s'est plainte parce que son canapé déteignait et s'affaissait alors qu'elle l'avait acheté il y a à peu près un an. Elle a exigé un remboursement. Le magasin lui a répondu: bah madame, on va pas vous rembourser, c'est parce que vous êtes trop grosse. Ah, vous avez éclaté les coussins. Est-ce que c'est une info? Avec votre gros cul. Ou est-ce que c'est un mytho? Ouais, c'est une info. C'est une info, ouais, non, mais c'est vrai, une info. Il lui a répondu ça, les salauds. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle est pas toute mince, la dame, mais ça se dit pas. Non, mais bon, ça se dit pas, oui. Non, ça se dit pas, non. Bon, canapé, il est moche. Hein. Elle a fait appel à un expert indépendant, elle a décidé de porter plainte à une association de consommateurs, et là, bizarrement, le service après-vente l'a rappelé, et lui a dit: oh, bah, on va vous en offrir un autre. Bah oui, à tout neuf. Ah, on vous en offre tout neuf, hein. À la grosse. Ah. Ça, c'est pas par bien. Par contre, t'éviteras de poser ton gros cul dessus, parce qu'on va pas t'ordonner à tous les 6 mois. Hein. Voilà, on voulait dénoncer la discrimination, et ben, ça te permet de te qualifier pour Info Mytho. Et maintenant, Clément, tu vas jouer avec d'un côté Cariole, de l'autre Romano. Faut détecter le mytho et on met en jeu. Hein. C'est attention, sérieux, Clément, faut bosser. Hein. On met en jeu l'iPhone 7, c'est parti. Info, faux ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Et je me tourne vers Romano. Vendredi à Toulouse, c'était l'examen d'entrée pour les avocats de Toulouse. Ah, bonjour, amis avocats, amis avocates, les primeurs, tout ça qui nous écoute. Voilà, 250 candidats. Oui. Bon, problème, c'est quand ils ont distribué le sujet, il y avait les corrigés avec. Ah, c'est cool, ça. Ouais, non, mais bon, c'est cool, mais ils s'en sont rendus compte. Ah. L'épreuve a été repoussée au 23 septembre. Ah ouais, donc si vous avez passé l'épreuve d'avocat à Toulouse, vous êtes obligé de la repasser le 23 septembre, c'est-à-dire dans 4 jours. Et super, une épreuve par semaine. Et vous n'aurez pas les corrigés cette fois-ci. Oh. Info ou mytho? Dommage. Ça, c'est l'info de Romano. Écoute bien Cariole maintenant, Clément. Alors moi, si vous êtes sur Paris, jeudi, vous avez dû voir que sur le RERD, il y a eu beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic. Il y avait du trafic, mais alors grave. De dingue. Et en fait, c'est parce que c'est une passagère du RER qui s'est retrouvée toute nue sur le quai parce que sa robe Elle est restée coincée dans les portes du train. Super, ça. Ah, info ou plutôt. T'as pas de chance, dis donc. Non. Alors, le RER bloqué, parce qu'une femme se retrouve toute nue à cause de la robe qui est bloquée dans le bordel, là. Et de l'autre côté, l'épreuve à repasser, parce qu'ils ont donné les corrigés en même temps qu'ils donnaient les questions. Qui dit vrai, qui dit faux, Cariole ou Romano, Clément, à toi de jouer. Moi, je dirais Romano Info et Cariole Mytho. Romano Info, Cariole Mytho. Je me retourne vers les deux, alors. Et c'est gagné. Bravo. Et c'est gagné. Yes. Et oui. Bravo, bravo. Un iPhone 7 pour toi, Clément. Nickel. L'iPhone avec il marche en stéréo, c'est la folie. Il est étanche, il déchire, ouais. Il coûte bien cher, mais pour toi, il nage aussi, oui. Ouais. Et pour toi, il est gratuit, Clément. Gratuit, pas cher. Ça fait plaisir, depuis le temps que je vous écoute. Et ben voilà, tu vois, tu fais rien de la journée, mais t'écoutes au moins Skyrock, c'est déjà pas mal, ça rapporte. Ouais, ça me permet de gagner des choses en foutant rien. Ben, bien joué. Donc, l'épreuve pour les Toulousains, faudra la repasser, les avocats. Et Cariole, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le trafic, il a été interrompu parce que c'est un mec qui était tout nu sur les voies. Un naturiste! Ah, bah voilà, il se promenait tranquille, c'est sympa en plus, il se ramène sur les voies ferrées. Voilà. Il fait sa balade, il y a une photo. Il se promenait le sgeg à l'air. Ah ouais, il est complètement à poil. Complètement. Complètement à poil. C'est pour ça que, et si vous avez été bloqué sur le RERD le jeudi dernier, c'est la faute d'un mec qui était à poil. C'est ouais. Ça. J'espère que vous l'avez vu, au moins vous en avez profité. Ah bah, au moins, ça vaut le coup du coup d'œil. Bah ouais, en effet, ça vaut le coup d'œil. On va vous mettre la photo sur les réseaux, là, ouais. Sur tous les réseaux de Skyrock. Bonne journée, Clément, bravo pour l'iPhone 7. Ouais, merci, bonne journée, Clément. Et bonne journée à toi. Et prochain iPhone 7 à gagner à 8h20 à l'heure, on jouera à l'invité mystère. Ouais. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et c'est Alonso dans le morning, juste avant les infos, et vaut 1500€. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes stars. Comme Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda, Binda. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais l'abattre, mais t'auras du mal. La petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais l'abattre. Ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle vient. Sur Skyrock, on écoutait Alonso, Alonso de Marseille. On va faire le point d'ailleurs sur le match qui a eu lieu hier soir à Marseille au stade Vélodrome. Oh, tristounette, hein. Au MOL, ouais, c'était pas le plus gros match du monde. Non. Mais on en reparle avec toi, Rémi, si vous n'avez pas encore les résultats. Vous saurez tout, je fais monter le suspense. Et le suspense monte aussi, puisqu'on va vous offrir 1500€ dans un instant, c'est tombé il y a une demi-heure. Et ça va peut-être tomber chez vous, c'est tombé chez Fabrice, à Villeparisis. Ouais. Dans le 77. Fabrice Mollard. Donc Fabrice Mollard, ouais, c'est vrai, son nom. C'est, qui a gagné 1500€. Ce sera peut-être pour vous, hein. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner 1500€, vous envoyez 1500 au 7-20-20. On sait jamais, on vous tire au sort et hop là, 1500€ dans la poche si vous répondez Skyrock. Bien sûr. Il y a Razor qui dit Alonso réveil, il y a rien de mieux. Oh, on a des trucs bien encore, hein. T'inquiète, hein, on a un Drake à écouter là dans un instant, ce sera du Drake, du Rihanna aussi, le chéri et la chérie seront là avant 8h du matin parce qu'il est 7h33. Ouais. Et puis ben, les infos, vous les attendez, elles sont là. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Bon, couvrez-vous ce matin, il fait pas super super chaud. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça a bien baissé, hein. C'est entre 10 et 18 degrés ce matin, pas plus de 21 cet après-midi, et puis de 24 à 26 quand même dans le sud-est, ça va. Pourquoi il fait beau dans le sud-est? Enfin, pourquoi il fait chaud? Bah parce que totalement il fait beau, voilà, il y a du soleil, c'est d'ailleurs le seul endroit en France où il y aura un ciel totalement dégagé aujourd'hui, donc près de la Grande Bleue. Partout ailleurs, c'est couvert et même pluvieux, le ciel est bien nuageux là ce matin quasiment partout. On a quelques averses en Bretagne et sur la Picardie. La pollution, on respire bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île, Reims et Cannes. Et le point sur l'actu, le sport tout de suite sur Skyrock. Une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats aujourd'hui, près de 1000 personnes attendues aux Invalides ce matin. François Hollande y prononcera un discours très attendu, le nom de chaque victime du terrorisme sera cité. Une minute de silence sera observée, début de la cérémonie dans 1h30 à 9h. François Hollande s'envolera ensuite pour New York, où il doit recevoir le prix de l'homme d'état mondial 2016. L'hypothèse d'un acte malveillant privilégié après la fausse alerte de prise d'otage. Samedi à Paris, les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse, vous le savez, autour de l'église Saint-Leu dans le quartier des Halles. Finalement, il n'y avait rien. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires. Les auteurs se seraient vantés de leur coup sur Facebook, histoire de faire du buzz. Ce sont deux adolescents de 16 et 17 ans. Ils sont recherchés et ils encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Cher le buzz. Ah oui, ça fait cher le buzz, ouais. Une ancienne candidate de Koh-Lanta décorée par les sapeurs-pompiers de Paris, Karima, qui a participé à l'émission en début d'année, a sauvé une vie en 2014. Elle a su faire les gestes de premier secours à un homme victime d'une crise cardiaque. Son sang-froid a permis de maintenir l'individu en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Jacques Chirac, toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. L'ex-président a été rapatrié du Maroc ce week-end pour une infection pulmonaire. Un de ses proches affirme qu'il est conscient. L'ancien chef de l'État soufflera ses 84 bougies en novembre. On fait le point sur le sport. Pas de surprise au Vélodrome hier. La fin des Jeux de Rio et puis de la Formule 1. C'est chargé. Ouais, fin de la 5e journée de Ligue 1. Pas de gagnant pour le premier choc des Olympiques. Marseille et Lyon se neutralisent 0-0. Saint-Etienne a dominé Bastia 1-0 et match nul un but partout entre Montpellier et Nice. Au classement, Monaco est en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. La fin des Jeux Paralympiques de Rio. Ils se sont clôturés cette nuit par une belle cérémonie au stade Maracana devant 70 000 personnes. Belle moisson pour la délégation française, même si c'est un petit peu moins bien qu'à Londres. 28 médailles, dont 9 en or et une 12e place au classement des nations. La Formule 1 a une victoire qui redonne de la confiance. Nico Rosberg s'est imposé au Grand Prix de Singapour hier. Le pilote Mercedes devance Ricciardo sur Red Bull et son coéquipier Lewis Hamilton. L'Allemand reprend donc les rênes du championnat du monde avec 8 points d'avance sur le Britannique. Prochain rendez-vous dans 15 jours en Malaisie. Et puis un Français dans l'histoire, Simon Pagenaud a remporté cette nuit le titre en IndyCar, la Formule 1 américaine. Le Français s'est imposé à Sonoma après avoir signé la dernière pole position de la saison. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h et tout de suite à 7h36. Bon, déjà une belle journée. Si vous venez de vous réveiller, on va la passer belle sur Skyrock. Et on a en plus 1500 euros à vous offrir. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. C'est nous et on est en direct, ouais. Avec les conseils pas chers qui arrivent à 7h40. Nouvel horaire depuis le début de l'année pour les conseils pas chers. Et on va parler 7h40. Autoroute. Ah, avec les augmentations, on en parlait avec Rémi tout à l'heure. Attends, ça faisait longtemps. Bah ouais, ça augmente, ça faisait longtemps que c'est pas... Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais comment ils font pour vivre les autoroutes, c'est si peu cher? Alors là, soi-disant, c'est pour rénover les routes. Ah bah écoute, ils sont gentils, parce que... Bah attends, c'est sympa. Les culs de poule, tout ça. Ouais, ouais, bah c'est bien, parce que tu payes, puis en plus, tu risques de bousiller ta bagnole. Donc. En plus, oui. Donc les autoroutes vont augmenter. Ouais, c'est ça, donc malheureusement, je suis la personne responsable du recouvrement des paiements auprès des familles. Donc tu vas appeler des gens, tu vas leur dire qu'il faut qu'ils payent. Ah bah ouais, il faut payer, ça augmente. Et s'ils ont jamais pris l'autoroute de leur vie? Bah ouais, forcément pris un jour. Bah tant pis pour eux, ils paieront quand même. Ils payent quoi? Tout le monde paye. Ah bah il faut participer, c'est la solidarité collective. Ouais. Si vous êtes sur l'autoroute, on vous salue. Bientôt, encore plus cher l'autoroute. Voilà. Allez, bon, justement, puisqu'on a besoin d'argent, on y va pour les 1500 euros tout de suite avant d'écouter Drake et One Dance. Une enveloppe, elle est là. Et on va l'ouvrir tout de suite, 1500 euros à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et ouais, maintenant, 1500 euros à gagner. Il y a Magdalena qui nous laisse un message sur les autoroutes, tiens, puisqu'on parle d'argent. Je paye 6,20€ par jour pour faire 17 km sur l'autoroute. En tout, j'ai une heure de trajet. Ça fait cher. Ouais. Cher l'autoroute. Ah bah 6,20€, 17 km, ouais, c'est pas donné, ouais. Dites-nous combien vous payez vos autoroutes, vous aussi, là, si vous y êtes dessus. Moi, je vous annonce, parce que j'ai ouvert l'enveloppe pendant ce temps. Je vous annonce qu'on va dans le 62 ce matin et on va offrir de l'argent à Arne, chez la famille Provost, comme Franck. Ouais, comme le coiffeur. Comme le coiffeur. On appelle Adriano Provost. Adrienne. Allez. Adrienne. Adrienne. Tu vas mourir, Adrienne. Eh, comme dans le film. Adrienne. Oui, allô. Adrienne. Oui. Oui, bonjour Adrienne, c'est la radio au téléphone. On t'appelle, on est en direct à la radio. Adrienne. Adrienne. Adrienne. Ta-da-da, ta-da-da. Adrienne. Oui. Ah, on est en direct à la radio et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Oui. Oui, on va te poser une question. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros cash. Adrienne. Adrienne. Il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Adrienne. Si tu as la bonne réponse, Adrienne, tu gagnes 1500 euros. Adrienne. Pauvre. Adrienne. Allô. Oui, alors il faut me dire, Adrienne, quelle est ta radio préférée. Adrienne, j'ai monté sur le ring. Adrienne, on est sur le ring, il faut répondre. Adrienne, tu fais chier. Parle Adrienne, pas comme ça, Adrienne. Adrienne, fais chier, parle pas. Parle pas comme ça ou je t'en mets une, poum. Bon, Adrienne, c'était Skyrock au téléphone. Skyrock. Oui. Eh ben oui. Non, mais je croyais que c'était une bêtise, vous avez vu mon prénom. Ah bah oui, non, oui. On rigole parce qu'on aime bien le prénom Adrienne. Adrienne. Ah bah oui. Eh oui, mais il faut répondre Skyrock quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, Adrienne. Adrienne, t'as merdé, Adrienne. Bon, c'est pas grave, Adrienne. Tu le sauras pour la prochaine fois. Hein, quand t'as quelqu'un qui te fait la voix de Sylvester Stallone et qui te dit Adrienne et qui te demande quelle est ta radio préférée, tu réponds Skyrock. Skyrock. Bon, on te fait un bisou, Adrienne. Oui. Salut. Salut Adrienne. Salut Adrienne. Adrienne. Et bon, ben, tant pis pour Adrienne. C'est tombé il y a une demi-heure chez Fabrice. Ça retombera peut-être dans une demi-heure chez vous. 1500 euros à gagner après Drake. Les conseils pas chers arrivent. Baby, I like your style. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Sur Skyrock, le son de Drake, on écoutait One Dance à 7h42. 7h42, les conseils pas chers arrivent et on parle des augmentations sur l'autoroute. Ouais, l'autoroute, c'est de plus en plus cher. Et oui, ça me rend malade, vous avez vu. J'ai empathie avec vous tous et vous toutes qui nous avez laissé des messages. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour réparer les culs de poule. C'est pas les culs de poule, c'est les nids de poule. Ouais, c'est vrai, il y a eu plein de messages. Ah bah, j'en ai vu plein. Merci Rafik, merci Ayam Rems, merci à Laura également qui nous fait un gros bisou. Dis foule, tu t'es trompé. C'est pas un cul de poule qu'on dit, c'est les nids de poule. Bon, il y a ceux qui ont de la chance, c'est les patrons qui payent le péage. Bonjour à Alex du 21, 24 ans. Salut à toi, Alex. Moi, ça me coûte cher. Et l'entreprise, en plus, ne rembourse pas. Eh ouais, Nina. Ben, ça coûte cher, les péages. Et ça va coûter encore plus cher, ça augmente. Ouais, ça augmente encore, là. Et ouais, Romano va donc chercher un petit peu d'argent pour réparer les autoroutes. Ah bah là, il faut payer, il faut cotiser. Il faut réparer les autoroutes, mais c'est sûr. Tu cherches ton portefeuille ? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Bah ouais, pour les aires de repos, par exemple. Ouais, c'est ça, et pour refaire le bitume. Le bitume, les aires de repos, nettoyer les toilettes sur les aires de repos. Ouais, elles sont pas mal, d'ailleurs, les toilettes sur les aires de repos. Ah ouais, c'est bien, rien là, t'as l'impression de plonger dans de la pisse. Oh. Non, c'est vrai. Ah, il y a les odeurs et tout. Ouais, quand il y a une station service, ça va à peu près, mais alors quand il y en a pas, quand il y en a pas, là ça va pas. Ah, et puis ces routes, tu sais, les pissotières, il y a même pas de truc, en fait tu pisses sur du carrelage, quoi. Tiens, mon patron il pète les plombs avec les péages. Fabien qui nous envoie un message. Les radars suffisent pas à payer, nous demande la VTC. Bah a priori non, parce que là entre 2018 et 2020, ça va augmenter entre 0,3 et 0,4% par an. En 10 ans, ça a augmenté de 16,4%. Oh bah ça diminue l'augmentation. Attends, 0,4%, mais de quoi on se plaint, franchement. Bon, là il y a le chef là de 40 millions d'automobilistes. Oui, l'association crie au scandale, il dit c'est une honte. Eh bien, c'est une honte. Eh ben monsieur 40 millions d'automobilistes. Ouais. Romano va s'occuper de tout ça tout de suite. Allez hop, les familles vont payer. Les familles payent, conseil pas cher. Bon, ça tombe sur qui ? Ça tombe sur Philippe. Ça c'est pas de bol. Il a pas de chance. Ça c'est pas de bol, Philippe. Eh ouais. Parce qu'il va payer pour réparer les autoroutes. Allez, c'est parti. Oui. Oui, bonjour, c'est Philippe. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, l'appareil de l'autoroute. Monsieur Lapince, de l'autoroute. Ah, vous êtes dans l'angle à l'opposé de chez moi. Exactement, c'est moi. D'accord, d'accord. Oui. Votre dame, elle va à la gym. C'est ça, exactement, elle va à la gym. D'accord. Ouais, dites voir, je travaille pour l'autoroute là qui est à côté, l'autoroute verte là. Oui. Oui, la 39. D'accord. Vous la prenez de temps en temps? Oui. Ah bah voilà, c'est bien le problème. Là, vous êtes au courant, il y a des augmentations là qui vont être mises en place. Oui. Oui. 0,3-0,6%. Ouais, c'est ça. Jusqu'en 2018. Jusqu'en même 2020 sans doute. Ouais. 2020. Ouais. Oui. Et en fait, la mesure est rétroactive, donc c'est-à-dire que tous les paiements que vous avez faits, par exemple durant l'été, il va falloir nous les payer maintenant. Allô. Oui. Oui. Donc j'ai fait le calcul, il y en a pour 80,24€. Oui. Donc, est-ce que je peux passer à votre domicile ce matin avec le papier ? Non. Vu qu'on est voisins, je me suis dit, autant que j'aille voir directement Philippe. Pendant que sa femme est à la gym. Non, c'est la mienne qui est à la gym. Oui, c'est ça. Hein ? Elles y sont ensemble, je crois. Bah oui. Et du coup, je vais passer directement à la baraque. Non. Non, pour boire un petit café, quand même. Puis après, on ira faire un petit tour sur l'autoroute. Et tu lui fileras ses 80€. Allez, j'arrive. Non, mais c'est quoi ces conneries? Non, mais je travaille pour l'autoroute, là, à côté, la 39. Non, mais ça, j'ai bien compris. Oui, bah maintenant, il faut payer. Hein. Oui, mais ça c'est... Il n'y a pas d'effet rétroactif. Ah, si, c'est rétroactif, j'ai le papier officiel. Ben, si. Non. Si, je vais passer vous voir, je vais vous montrer le papier. Non. Vous n'avez pas l'air d'être au courant, j'arrive dans 5 minutes, comme ça, on fera un peu... Non, c'est pas la peine. Je ferai un peu de gym avec ta femme. Ouais, de toute façon, je serai parti. Ah, bah, ta femme, elle sera là. Ça tombe bien. Non plus. Ah, elle sera pas là. Bah, sinon, je passe ce soir pour l'heure de l'apéro, hein, ça m'arrange autant. Non plus. Bah, je vais passer maintenant alors. Allez, au revoir. Ah, tout de suite. Tout de suite. Il est dur à la négociation. Bah, il lâche rien. En plus, il était bien au courant, lui. Oui, c'est tout. Ouais, 03-06. 2018, 03-06, augmentation. Péage, autoroute. Ça, merde. Comment s'appelle l'autoroute Patrick. Déjà Allô hey. Oui, bonjour, Patrick. Oui. Hey. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, à l'appareil. Je suis le responsable du tronçon de l'A39, l'autoroute. Hey. Oui. Vous l'avez pris dernièrement? Oui. Oui. Dites voir, il y a une augmentation qui est prévue. En fait, on revient en arrière, donc tout ce que vous avez payé, il va falloir payer un supplément. Oui. Oui. J'ai fait le calcul, il y en a pour 150€, vous. Ça t'amuse, mon gars, de... Bah, écoute, je m'amuse encore plus. Viens donc me trouver, là. Ah, bah, justement, je voulais te proposer de passer à la maison. Tout de suite. Va te faire foutre. Tu prépares les 150 balles, s'il te plaît. Ouais, ça, les gens, dès qu'on leur prend un peu d'argent, ils sont agressifs. Ouais, tout de suite. Alors tout de suite, c'est pour la agressifs. C'est pour la bonne cause. Hein. Bah oui. Ouais, c'est pour qu'il y ait du béton et de la terre. Et pour engraisser les actionnaires. Surtout. Hein, c'est sympa comme tout. Bon, bah, écoute, Romano, t'as une invitation sur les deux, c'est pas mal. Ouais, et puis je peux aller me faire foutre. Et tu peux aussi aller te faire foutre. Mais tu vas aller te faire foutre. foot chez Patrick. Ouais, Patrick. Sympa. Merci Patrick, merci Philippe. Et dans un instant, eh bien, le loser du jour, ou la loseuse du jour, le winner du jour, la winneuse du jour, c'est notre top lose, top win. On va tomber sur qui, on vous dit tout. Mais avant ça, bah, l'horoscope. L'horoscope, c'est dans moins d'une minute sur Skyrock. Et le son de Rihanna aussi qui arrive. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! C'était le meilleur week-end de ma vie. On était partis faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbe. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel, traversent les paysages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15€. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Et c'est l'heure de l'horoscope sur Skyrock, l'horoscope de l'amour à 7h49. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh bien, pour la bonne note, la réponse est oui. Pour les Sagittaires et les Taureaux, pour ce lundi 19 septembre, c'est vous les meilleurs. Puissance amoureuse au max. Ouais. 5 sur 5 pour les Sagittaires et les Taureaux. Bien. Les planètes sont de votre côté, surtout les planètes de l'amour. Et votre pouvoir de séduction est décuplé. Vous allez en profiter comme des folles et comme des fous. Sagittaires, Taureaux, 5. 4 sur 5, les Poissons et les Verseaux. Si vous êtes en couple, vous saurez surprendre votre partenaire. Waouh. Tu vas lui offrir un truc peut-être aujourd'hui. Mon sexe. Quelle surprise. La classe. Et les célibataires, vous prendrez des risques et ça va payer aujourd'hui. Les Poissons et les Verseaux, c'est bien. 3, c'est bien aussi pour les Capricornes et les Balances. Suivez vos intuitions, elles ne vous tromperont pas en ce lundi. 2 sur 5, les Gémeaux et les Scorpions. Attention, un ex ou une ex pourrait chercher à vous contacter. Faites gaffe. 1 sur 5, les Lions et les Béliers. Vous serez en mode autocritique aujourd'hui. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, les autres le sont suffisamment. Lion, Bélier, 1 et 0 pour les Vierges et les Cancers. Attention à un petit malentendu qui pourrait assombrir votre journée. N'hésitez pas à vous expliquer et vous verrez, tout rentrera dans l'ordre. Bon, c'est pas... Ouais, petit moment difficile à passer, après oui, ça va mieux. Il y a pire, il y a pire. Voilà pour l'horoscope du jour. Et dans un instant sur Skyrock, c'est le top lose, top win du jour à 7h50. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Calvin Harris et Rihanna sur Skyrock à 7h53. Et aujourd'hui, notre top lose, top win va mettre en avant un loser, le loser du week-end. Ah! Et oui, le loser du morning ce matin, on va le retrouver. Oui. Il est sympathique comme tout, vous allez voir. Hein. Je suis triste qu'il soit loser ce week-end. Ah merde. Parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil comme tout. C'est un brave type. Oui, on l'a jamais reçu dans l'émission, ce serait sympa. C'est dommage. Je pourrais faire une émission avec lui, tu mettrais de la musique militaire, Romano. Ah, wow, cool. Des chants nazis, des trucs. Ah ouais, cool. Bon, voici, vous dites, mais c'est qui leur loser ce matin? Le voici, le voilà. Le loser du jour. Le loser du jour. Le loser du jour est Éric Zemmour. Ah tiens, Éric Zemmour, ce sympathique Éric Zemmour. Très tolérant. Oui, bonjour, c'est Éric Zemmour. Ouais. Les musulmans? Non, Alors, Éric Zemmour qui était l'invité de Ardisson, l'émission d'Ardisson sur C8 maintenant. Ouais. Donc Ardisson lui demande, ouais, pourquoi on s'appelle Mohamed, c'est plus difficile de trouver un travail. Et donc là, Éric Zemmour répond. Voici la réponse d'Éric Zemmour. Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Ah bah voilà. Ces gens-là. Bah évidemment. Ces gens-là. Bah oui. Ah pourquoi? Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Bah voilà. Ben oui. Leurs parents auraient dû leur donner des prénoms français. Jean-Jacques par exemple. Oui, ou Maurice. Ouais. C'était la règle depuis le 11 germinal en 11, voilà. Mais ça remonte encore à Bonaparte. Ah bah tiens. Qui a été appliqué sur tous les régimes. Oui. Qui a été appliqué sous le général de Gaulle. Ah oui, et puis à l'époque des hommes préhistoriques. Attends, putain, à l'époque des hommes préhistoriques, ils ne s'appelaient pas, ils se donnaient des coups de massue pour se faire. Putain, ils remontent loin quand même. Ah ouais, ouais, il part loin là. Éric Zemmour, toujours en pleine forme. L'an germinal. Oui, en germinal. L'an de grâce. C'est visiteur le truc. Ouais, Éric Zemmour. Alors on s'est renseigné un petit peu, puis on a regardé, et on a vu la signification. Alors lui, en fait, il voudrait que tout le monde ait des prénoms français en France. Ouais. Ouais. On a regardé Éric. Éric, prénom scandinave. Non mais ah merde! Ça, non mais ça va pas. Éric Zemmour! Ah ouais, là t'es dans la merde, Éric. Il faut changer de prénom. Appelle-toi. Là, il va s'appeler. Il va changer. Un prénom bien français pour Éric Zemmour, vous n'avez pas une idée? Du con. Voilà. Du con, ouais. Du con. Je suis bien français, du con, hein. Bah oui. Bah écoute, du con Zemmour. Bah écoute, c'est pas mal. Eh ben oui, Éric, fallait s'enseigner avant. Ton prénom, il est pas français, dis donc. Eh ben voilà. Et toi, Romano, là, tu serais pas un petit peu ritalien, tout ça, spaghetti, bidule? Bah si, sans doute. Hein. Et puis carriole, c'est pas très français, là. Non, pas du tout. Ouais. Carriole. Et alors, Karim, on en parle pas. Ah, moi, c'est ouais, plutôt couscous, tout ça. Toi, t'es un peu couscous, là, oui. Donc, Éric Zemmour, la prochaine fois, avant de faire des leçons à tout le monde, eh ben tu te renseignes et tu verras que. Prénom, il est pas plus français que les autres. Eh ben voilà. Voilà. Bon, ben merci Éric Zemmour, c'était notre loser du jour. On ne l'embrasse pas, mais on revient dans un instant sur Skyrock avec vos 1 500 € à gagner et avec les infos de Rémi et bien sûr le réveil de Star. On s'occupe de tout ça sur Sky 7h56. Léna va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes, puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. Léna. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui. Mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais il t'est calé ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Dans 9h. Good morning. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai senti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarder. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises rien, si tu me parles rien, si tu me touches rien. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et on est en direct, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. La semaine on la démarre ensemble, on la démarre bien. On a déjà offert 1 500 €, on a offert une PS4, on a offert des téléphones aussi, des iPhone 7. Ouais. Et on en a encore un à vous filer, un iPhone 7 avant 8h30. Il sera pour vous à 8h20, on jouera à l'invité mystère super à découvrir tout à l'heure. Super, et je vous donne même un indice très modeste. Votre réveil de star, c'est à 8h10 tous les matins. Et vos conseils pas chers, c'est à 8h40 tous les matins. Tu vas t'occuper de la police tout à l'heure, Romano. C'est ça, à la police. Oui, il va faire respecter la loi à la police. Ne loupez pas le rendez-vous, parce que moi j'attends ça avec impatience. C'est que j'attends, je suis au courant depuis ce matin. J'attends ça depuis 6h du matin. Eh bien, vous y aurez droit tout à l'heure. Le respect de la loi, c'est pour tout le monde. Bon courage, Romano. Hein. Merci. Voilà, tu finiras l'émission, parce que bon, on sera tranquille. Mais est-ce que tu seras là ce soir après ton coup de fil à la police? On verra ça tout à l'heure. Surprise. Bon, avant ça, vos infos, c'est l'heure. Il est 8h02, on fait le point sur l'actu. Et on vous offre 1 500 € dans 2 minutes, juste après l'actu, justement. On démarre par la météo pour aujourd'hui, lundi. Eh ben, la météo, c'est moyen, voilà. Début de semaine couvert, même pluvieux. Ciel nuageux sur la plupart des régions, hormis près de la Méditerranée. Ça ira mieux cet après-midi dans le nord-est. D'ici la patience, des averses dès ce matin attendues en Bretagne et sur la Picardie aussi. Les températures comprises entre 10 et 18 degrés ce matin. matin, 18 à 21 cet après-midi, et même de 24 à 26 dans le sud-est. Et puis la pollution, on respire bien, les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur l'île, Reims et Cannes. Et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti, sport. L'acte terroriste qui ne fait plus aucun doute après l'attaque au couteau dans un centre commercial du Minnesota aux États-Unis. Le FBI avait des doutes que Daesh a levé en revendiquant les faits. Au moins 9 personnes ont été blessées, l'assaillant a été abattu. Il s'agit d'un étudiant d'origine somalienne. L'état d'urgence qui reste maximal à New York. Une bombe a explosé samedi à Manhattan. Impossible de dire encore ce matin si c'est un acte terroriste ou non. La déflagration a fait 29 blessés, dont à grave. Une autre bombe a été retrouvée un peu plus loin mais n'a pas explosé. 1000 policiers supplémentaires ont été déployés par précaution dans toute la ville. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui font beaucoup de routes. Le prix des autoroutes va encore augmenter dans les prochaines années. La hausse sera de 0,3 ou 0,4% entre 2018 et 2020. La raison, eh bien, le gouvernement veut lancer un plan d'amélioration du réseau. Ça coûtera 1 milliard d'euros. Un très mauvais signal envoyé à Angela Merkel à un an des élections fédérales. Le parti de la chancelière allemande a signé son pire score de l'histoire au régional à Berlin. La CDU n'a recueilli que 18%, ce qui va pousser les conservateurs à quitter le gouvernement de la capitale. La droite populiste fait une percée et va faire son entrée pour la première fois au Parlement local. Sans surprise, le clan de Vladimir Poutine remporte les élections législatives en Russie. Le dépouillement n'est pas encore terminé, mais la victoire est déjà quasiment actée. Ouais. Un bon indicateur pour le président qui compte bien briguer un quatrième mandat en 2018. Bon, on va parler foot maintenant. Oui, foot, 100% foot avec la Ligue 1 et le Tour d'Europe des stades. Ouais, fin de la cinquième journée de Ligue 1. Pas de gagnant hier dans un match un petit peu tristounette. Ouais, entre les deux Olympiques. Hein. L'OL et l'OM, Marseille et Lyon qui se neutralisent 0-0. Saint-Etienne a dominé Bastia 1-0 un peu plus tôt. Et match nul, un but partout entre Montpellier et Nice au classement. Monaco est en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. Le Tour d'Europe des stades, comme tous les lundis matins sur Skyrock. Manchester United n'a rien pu faire hier soir contre Watford en cinquième journée de Première Ligue. Score final 3-1. Arsenal s'impose 4-1 contre Hull City et le leader Manchester City a dominé Bournemouth 4-0. En Espagne, 4 victoires sur 4 pour le Real 100% qui remporte son pari contre l'Espagnol Barcelone 2-0. Le Barça, deuxième du classement, a dominé Leganés 5-1. L'Atlético Madrid, de son côté, a laminé le Sporting Gironde 5-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. En Allemagne, le Bayern de Munich reste dominateur du championnat après une victoire 3-1 contre Ingolstadt. Les Munichois sont talonnés par Berlin qui s'est imposé 2-0 face à Schalke 04. Enfin, en Italie, Naples prend le dessus après un succès 3-1 contre Bologne. Dans le même temps, la Juve s'est inclinée 2-1 contre l'Inter Milan. La Fiorentina s'impose 1-0 contre la AS Roma. Buongiorno. Buongiorno, Matt Pokora. Buongiorno, Matt Pokora et les Italiens ce matin. Matt Pokora, c'est pour le réveil de star. On le retrouve dans 5 minutes sur Skyrock. Et Rémi, on te retrouve à 8h30. Ouais. À tout à l'heure, il est 8h06. 1-2-1-2, c'est le Black M en personne, toujours connecté dans le morning de D-Fool. What up, Jay-Z. C'est Ritza dans le morning de D-Fool. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et oui, et on est en direct. Et ils sont là dans le morning. Vous aussi, vous êtes là dans le morning. J'espère que vous serez là dans quelques secondes. C'est toi qui as l'enveloppe, Romano. Pour le moment, je n'ai rien du tout. Oh, t'es vraiment sûr que tu n'as pas caché l'enveloppe? Je sais pas, dans tes poches ou... Non, Carion et Karim l'ont pas encore passé. Alors, on découvre qui va gagner les 1 500 € dans un instant. On salue Fabrice d'ailleurs qui a gagné il y a une heure. Ouais. À Villeparisis. Bravo Fab. Félicitations, tu as répondu Skyrock. T'as gagné tes 1 500 €. Matt Pokora arrive donc pour le réveil de star. C'est dans un instant. Il va réveiller un nouveau Patrick. Je m'appelle Matt Pokora. Oui, et ben lui il s'appellera Patrick. C'est lui que tu vas appeler en direct dans un instant. Ouais, prépare-toi Matt. Mais avant ça. Eh bien, 1 500 €, c'est parti. 1 500. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Bah oui, c'est facile. Alors, c'est bizarre, tu l'as retrouvée l'enveloppe, elle était dans ta poche. T'as vu, Romano, je t'avais dit. Ouais, bizarre. Je t'avais dit qu'elle était cachée dans un endroit, je sais pas. Il va y avoir un magicien dans l'équipe. Il a des poches, des trucs. Dans la poche, c'est fou. Alors, on va chez qui? Alors, on va chez Marion. Marion Malbos à Aubenas. Aubenas, dans. Dans un département. En Ardèche. En Ardèche. Putain, c'est Cariole qui nous donne la bonne réponse. Bien joué, Cariole. Vous allez peut-être gagner 1 500 €. C'est qui, Marion, hein? Marion Malbos. C'est Malbos. Malbo. Ça sonne. On en est à la cinquième sonnerie, la toute dernière, attention. Marion Malbos. Eh bien, désolé pour Marion Malbos. Bonjour, vous êtes... Bonjour, on est même allé jusqu'au bout du répondeur. Hein. Ouais, et il n'y aura pas Skyrock dessus. Eh ben non. Eh non, c'est un répondeur... Automatique. Il est automatique. Mais eh voilà. Ben, il fallait faire comme il y a une heure. Écoutez, Fabrice, lui, il était branché directement sur Skyrock. Il y a une heure, on l'appelait. Ça sonne chez les Mollards ce matin. Non, je crois pas. Non. On est en train... Non, je crois pas. Putain, t'as un truc de ouf. On a arrive avec une bonne nouvelle. Si. Dis-moi juste quelle est ta radio préférée, Fabrice. Allez, bravo. Bravo Fabrice, 1 500 € pour toi. Merci, merci beaucoup. C'est marrant, hein, dès qu'il a décroché, on s'est dit il va gagner. Hein. Ouais. Bravo Fabrice, t'écoutais la radio, t'as entendu ton nom, t'as gagné 1 500 €, ça fait plaisir. Encore à gagner 1 500 €, c'est toutes les demi-heures, hein, tous les matins, ce sera à 8h30, 8h08. Comment va se réveiller Patrick avec M. Pokora? On l'a appelé, on vous fait écouter, bougez pas. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Il réveille. I told you, take my hand through the flames. I told you, I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the knot pole, that's why my heart cold. Full of sorrow, a lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow, and I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Lil Wayne sur Skyrock avec Wiz Khalifa sur ce gros morceau, c'était Sucker for Pain à 8h12. Et c'est l'heure de se réveiller maintenant avec M. Pokora. M. Pokora qui a réveillé la famille de Patrick, on va voir ce que ça donne. Ouais, attention. On va voir si ça se passe bien. Tu aimerais bien être réveillé par M. Pokora, Romano? Il arrivera avec sa chaise rouge. Et en fonction de ta tête. Ah non, il arrive en pas de teinture. C'est Claude François. Sa teinture blonde, ouais. C'est Claude François. Alors M. Pokora qui chante du Claude François maintenant. C'est ça? Ah ouais? Quelle joie d'être leader. Ah, je trouve ça à chier. Je préférais la version à la limite de l'autre qui avait fait en haut, en bas là. Yannick. Ouais. Ah, cette soirée là. Ah, c'était mieux. Là, ça ressemble à rien quoi. Alors. Ah ouais. C'est. On a l'impression que c'est encore plus vieux que l'original de Claude François. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a l'impression que ça date de 1950 et que Claude François l'a repris à M. Pokora dans les années 70. Dans le clip, il a un habit à paillettes et il est blonde. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et à la fin de la musique, on pense qu'il va donner l'année maintenant, mais il dit, on est en 1969. Et il tape des jeux de jambes à la Claude François, hein, tu sais, rock'n'roll et tout. Il a des Claudettes, hein, en plus. Ouais, ouais. Ah, il a des Claudettes. Quoi, c'est des Pokorettes, quoi. C'est des maths Pokorettes. C'est les matettes. Il a les matettes.

You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my... Drake sur Skyrock avec Hotline Bling. Il est 8h19 et on va parler d'une des émissions préférées de Romano. Touche pas à mon poste, même si sur la nouvelle saison t'es un peu plus réservé, hein, dis donc. Ouais, j'aime moins. Alors faisons Touche pas à mon poste ce matin. Alors, bienvenue dans Touche pas à mon poste sur Skyrock, hein, touchez pas à votre poste de radio surtout. Et voici donc notre chroniqueur, tu es le nouveau chroniqueur. Ouais. Tu sais, comme Capute là. Ouais, super. Comme la blogueuse qu'on sait pas qui c'est là. Ah. Non mais il y est plus elle. Ah, il y est plus. Ah déjà. Ah bah déjà, peut-être j'ai pas vu. Non mais en même temps, elle a fait un sketch. Ouais. Qui a mis tout le monde mal à l'aise. Et Cyril Hanouna a dit, oh je t'adore ma petite chérie, mais tu viens plus. Je t'adore, on va faire tes vidéos sur le net. Allez ma petite beauté, on la regardera sur le net. Non mais je sais pas, elle est venue qu'une fois elle. Elle est venue qu'une fois, comme l'âme quoi. L'âme elle est venue. Ah oui, ouais, l'âme elle a fait un malaise et il l'a foutu dehors. Ma petite beauté l'âme. Allez hop. Tu retournes dans ton déguisement de chouette parce qu'elle était venue en déguisement de chouette. Ouais, c'est ça, il l'avait suspendue à 15 mètres de haut, elle a fait un malaise. Elle était bourrée aussi. Ouais, elle était bourrée, après elle racontait que de la merde, mais Cyril Hanouna, il était mal à l'aise. Eh bien, ma petite beauté, tu reviens terminé, plus. Quoi. Alors, je vous dis ça parce qu'on va découvrir l'invité mystère ce matin. C'est un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Je veux dire, c'est une des stars. Oui, j'ai entendu, moi, l'invité mystère. Oui, c'est une des grandes stars de Touche pas à mon poste. Ah, puis, c'est une star, et puis voilà comment il se la raconte. Quoi. Ben justement, on va le retrouver parce que je crois que c'est l'homme le plus modeste du monde. Ah mais il se prend pour un génie hein. Écoutez-le bien, mais c'est peut-être un génie Romano, ne sois pas jalouse. Non, je suis pas jalouse. Ah, je te sens un peu, je sens la jalousie qui pointe, dis donc, hein. Ça pointe. Voici donc l'invité mystère à découvrir, écoutez bien. Excuse me, nervous breakdown, j'ai dit les boys, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah alors, excuse me, breakdown. Il se prend pour Afida Turner lui, non? Non mais c'est quand il fait sa danse. Ah, c'est quand il fait sa danse. S'il fait des tutos danse des fois. Ah, mais ça doit être super. Ouais, grave. Il est en collant rose. C'est tout, c'est magnifique. Vous l'avez reconnu? Excuse me, nervous breakdown. J'ai dit les boys, qu'est-ce que c'est que ça? Ah les boys, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ben voilà, vous l'avez reconnu, ben vous me dites qui est-ce. Allez-y, 41759, appelez Skyrock pour envoyer vos messages. Profitez-en, vous téléchargez la musique gratuite. Et vous envoyez des messages, c'est gratuit aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'invité mystère? Tu veux dire quelque chose à Romano? Il est où le nain là? Ouais. Oh, ça parle mal, man. Tu vas te calmer tout de suite, monsieur. Ça parle mal, man, comme tu dis Karim, ça parle mal, hein. Le nain, non mais attends. Voilà, il est chaud, hein. Nekoumouk. Oh, bah dis donc, Oh là. Invité mystère à découvrir. Allez, balancez son nom. Vous laissez vos messages très vite, tout de suite. Et on vous retrouve dans un instant avec l'iPhone 7 en poche. Et oui, c'est l'iPhone 7 qu'on vous offre tous les matins dans le morning sur Sky 8. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva PNL. PNL. Leur nouvel album, Dans la Légende. Je m'en bats les couilles, je suis fire. PNL, dans la légende. Maintenant disponible dans les bacs. Loïc va tester à l'aveugle des bâtonnets de poisson pané. Les bâtonnets Findus à 5,79€ le kilo, puis les bâtonnets Lidl à 3,89€ le kilo. Loïc. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées, portant sur Findus croustibat bâtonnets de poisson pané non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus infos sur Lidl.fr. Bâtonnets Findus, 3,19€ les 550 grammes. Bâtonnets Lidl, 1,75€ les 450 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, Encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. T'as vu que le mois Carrefour repart de plus belle? Ouais, je sais, et il y a des promos encore plus renversantes. Oui, regarde. Par exemple, dès demain et jusqu'à vendredi, on retrouve chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. 80%? Wow, c'est impressionnant. Maman, faut absolument qu'on y aille, on peut pas rater ça. Évidemment, alors prépare-toi au décollage. Sensation forte garantie. Ça va envoyer. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Y'all know the name. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. 8h25 sur Skyrock. Attention, Romano prend des risques ce matin, dans un quart d'heure, face à la police. Pas de problème. Oula, vous entendez, si vous travaillez à la police, méfiez-vous, il arrive. Ouais, attention. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Eh ouais, il s'en passe des choses dans le morning et vous gagnez des cadeaux dans le morning. Plein. On vous offre l'iPhone 7, vous le chopez tous les matins, vous jouez avec nous. Et là, on joue avec l'invité mystère. L'invité mystère qui est là et qui est très intelligent. C'est un des meilleurs animateurs en télé. En tout cas, il se croit très intelligent. Je lui faisais des compliments, mais c'est pas fini. Très meilleur animateur télé du monde. Sans doute. Et un des meilleurs danseurs du monde aussi. Ah ouais. Il a quand même lancé une danse. Il a quand même lancé une danse. Il a sa danse à lui tellement il est fort. C'est lui. Excuse me, nervous breakdown. J'ai dit les boys, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qui est donc notre invité mystère? Ouais, c'est lui. Il y a Axel qui est au téléphone avec nous en direct de Grenoble. Salut Grenoble, salut Lisette. Salut l'équipe. Salut Axel. Alors Axel, t'as 18 ans et tu as reconnu notre star, presque une star internationale de ce matin. Chroniqueur ouais. À Touche pas à mon poste. Mais qui c'est donc qui dit excuse me, nervous breakdown. J'ai dit les boys, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, excuse me, breakdown, les boys. Qui c'est qui? C'est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, c'est mais oui. Ça. Mathieu la star. Delormeau, de Touche pas à mon poste. La star de Touche pas à mon poste. Attention, il a bossé sur Energy 12 et ça, eh ouais, et ça et dans ça. Un CV, ça, ça pèse, dis donc. Fais gaffe, Cyril Hanouna, il va te prendre ta place. Méfie-toi, Cyril, on sera toujours derrière toi, Cyril. Ouais. Bon, alors, Axel, t'as gagné. Ouais, bien joué. Merci. L'iPhone 7, il est pour toi. Ouais, merci. De rien. T'avais quoi comme téléphone, toi, Axel? J'avais l'iPhone 5S. Oh bah écoute, là on passe directement à deux au-dessus là. Bien ouais. Allez, le 7, on te l'envoie à la maison, il est gratuit, il est pour toi. Donc merci. La prochaine fois que tu nous appelles à Skyrock, hein, tu n'hésites pas à nous appeler avec ton nouveau téléphone qui arrive très vite. Ouais. Voilà, merci. Bah super Axel, tu vas bosser ce matin? Ouais, je vais en cours. D'accord, tu commences par quoi? Je commence par de la culture G. Wow. Putain, j'étais numéro 1 en culture G. Mais ça m'étonne pas. Vous avez une question à me poser? qui présente Touche pas mon poste. Ah bah pas de problème, je vous le dis. Cyril Hanouna. Bravo. Quel est le meilleur chroniqueur du monde? Bah Cyril, pas Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau. Bravo. Ouais, Mathieu ouais. Delormeau. Voilà. Bonne culture G, Axel, et bravo à toi. Merci. Salut Axel. Ciao. Et des iPhone 7, il y en a plein tous les matins à choper. Alors voici donc le meilleur animateur du monde. Alors moi j'ai bien rigolé en regardant Touche pas mon poste la semaine dernière. J'en regarde des petits bouts et je suis tombé sur l'interview de Mathieu Delormeau par Cyril Hanouna, ouais. Qui lui pose des questions. Écoutez bien. Pour vous, Mathieu Delormeau est synonyme de quoi? De perfection. Voilà. Voilà, tout simplement. Quand on vous disait que c'était le mec le plus modeste du monde. Perfection d'après un coup dans la gueule quand même. La perfection d'après un coup dans la gueule, comme tu le dis, Romano. Mathieu Delormeau est un excellent animateur, même s'il a pas beaucoup l'occasion de le prouver. Voilà, donc le mec dit comme ça de lui à la télé. Ouais. Oui, je suis un excellent animateur, mais j'ai pas l'occasion de le prouver parce que. Mais non, mais en fait, il rêve que Cyril Hanouna lui donne une émission et à chaque fois il lui dit ouais, on verra ça en janvier. Et les derniers, il lui disait on verra ça en septembre, donc il s'est fait baiser, je crois. Oui, je crois aussi. Pardon d'être connu sans mentir, bah non. Bah, il est connu, hein. Ah bah, attends, pardon d'être connu. Ouais, alors il a eu un débat avec des. Ah bah, tu sais qu'il se vexe, une fois, il y avait un mec, une star, une vraie star sur le coup. Oui. Qui était venu et il fait au mec, tu me connais? Et le mec, il fait, non, je sais pas. Et là, il était vexé. Ah ouais, mais tu sais, il faisait la gueule après. Mais tout est connu chez Mathieu Delormeau, tout. Bah non, moi, très vite, je me suis déjà mis nu, notamment l'année dernière, et je reconnais que moi, quand ma raie est à l'air, elle devient célèbre dans la France entière. Bah ouais, dès qu'il se fout à poil, sa raie devient célèbre dans la France entière. Eh ben. Tellement il est fort, ce Mathieu Delormeau. C'est la raie à Kader. Tellement il est connu. Comment? C'est la raie à Kader, parce qu'en fait, par moment, il se prend pour un rebeu, tu vois. Qui, Mathieu Delormeau? Mais il est bizarre, ce garçon. C'est le mec qui se met à parler rebeu. Nikoumouk. Il a un dédoublement de personnalité. Et c'est l'arrêt à Kader. Et quand il a l'arrêt du cul à l'air, parce qu'une fois, il l'avait mis en slibard, parce que le mec, c'est quand même la victime de l'émission. Oui, quoi. Il passe sa vie en slip. Mais t'es chroniqueur, t'es victime de l'émission. Ouais. Les dernières, sans déconner, le mec, il arrive en septembre, mais jusqu'à quasiment en juin, le mec passait au moins une fois par soir en slibard. Et un jour, ils l'ont mis en slip. Dans une piscine, et ce con, quand il est sorti, il avait l'arrêt du cul à l'air. Et c'est devenu l'arrêt à Kader, parce que, tu sais, il chante à l'aide et tout. Hein. Ah, il est trop fort. Il est fort, ce Mathieu Delormeau. Danseur, piscineur, nageur, ouais. Chroniqueur, meilleur animateur télé du monde. Il est très fort, Mathieu. Et c'était David Guetta, ouais, qui savait pas qui c'était. Il avait été super vexé. Ah, il lui avait dit, non, mais tu plaisantes. Il était là, non, mais je sais pas ce que tu fais, moi. Qui c'est. Géraldine m'a dit hier qu'elle me trouvait très drôle et très fin. Ah, ben, ça, c'est sûr. Elle a du goût. Tu es drôle et très fin. Vous auriez même aimé Guess My Age? J'ai adoré Guess My Age. Ah, avec Jean-Luc, qui a cartonné. Non, il a été bon, mais je pense que j'aurais été très bon. Voilà. Ah, voilà. On parle d'une émission qu'a présenté Jean-Luc Lemoine. À jeu, pendant l'été, ouais. Pendant l'été, Guess My Age, bah, de Mathieu Delormeau était largement meilleur, moi je le dis. Bah, largement, ouais. Voilà. Et que Mathieu Delormeau, il est très drôle, très fin et surtout très, très modeste. Aussi, oui. Merci Mathieu Delormeau et. Merci, On te regardera ou pas, d'ailleurs. Voilà, ouais. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oh là là. Allez, 8h30 dans un instant, les infos avec Rémi et vos 1 500 € à gagner avant les conseils pas chers police ce matin, attention. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go. I said, bonjour, my da. clock. Then she says I boss it, and I said I bullet. No matter where I go, go, you know I love 'em all. Ken Jones sur Skyrock avec Don't Mind. Les Major Lazer arrivent dans un instant avec Justin Bieber. On écoutera également Justin Timberlake. C'est la matinée de Justin. Ah, Justin, yeah. Et puis Zao et MHD aussi à écouter avant 9h du matin. Ouais. Du son pour se réveiller, pour aller taffer et également des chèques à gagner. Et ouais, 1500 euros, c'est tombé chez Fabrice tout à l'heure. Ça tombera peut-être chez vous dans un instant. Vous pouvez vous inscrire au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020 pour vous inscrire. Ça augmente vos chances de gagner. Ouais. Et bah écoutez, on croise les doigts. C'est dans un instant. Et à 8h40. Dans 7 minutes maintenant, puisqu'il est 8h33, les conseils pas chers de Romano et tu prends des risques pour un début de semaine puisque tu vas à la police. Directement à la police, je vais me plaindre. Oui, tu vas faire respecter la loi par les policiers. On va vous expliquer une petite histoire, enfin tu vas nous raconter. Oui, oui. Avant ça, bah, les infos et la météo pour ce lundi, la météo pour ce lundi 19 septembre. Bon, bah, retour à des températures de saison. Oh, bah oui, c'est vrai, hein. On sort un petit peu de la canicule d'il y a quelques jours. Là, on est bien sorti puisqu'il fait entre 10 et 18 ce matin. 18 à 21 cet après-midi, même de 24 à 26 dans le sud-est. Je trouve ça pas mal, moi, 25-26 vers Marseille. Non, on est en dessous des normales saisonnières. Et ouais, mais c'est pas mal quand même. On est en dessous des normales saisonnières. Oh, oui, mais bon. Bon, côté ciel, c'est couvert et même pluvieux. Ciel nuageux sur la plupart des régions, hormis près de la Méditerranée. Ça va aller mieux cet après-midi dans le nord-est. Et puis, des averses prévues ce matin, notamment en Bretagne et sur la Picardie. La pollution, on respire bien, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lille, Reims et Cannes. Et on est en dessous des normales saisonnières quand même. Oui, c'est vrai. Faut quand même le signaler. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Bon, l'actu, on revient à l'Olympico, le match opposé l'OM à l'OL hier, mais d'abord le reste de l'info. Ouais, l'hypothèse d'un acte malveillant privilégié après la fausse alerte de prise d'otage à Paris samedi. Les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse autour de l'église Saint-Leu dans le quartier des Halles. Bon, finalement il n'y avait rien. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires. Les auteurs se seraient vantés de leur coup sur Facebook. Il s'agirait de deux adolescents de 16 et 17 ans qui voulaient juste faire du buzz. Les recherches se poursuivent. Ils encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ils font un peu les malins quand même. Ils ont dit oh, on n'a pas peur de la prison, tout ça, tout ça. Enfin, bon, ils se cachent. Bon, bon, quoi. Une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats aujourd'hui. Près de 1000 personnes sont attendues aux Invalides ce matin. François Hollande y prononcera un discours très attendu. Le nom de chaque victime du terrorisme sera cité. Début de la cérémonie dans quelques minutes, là, à 9h. François Hollande va s'envoler ensuite pour New York, où il doit recevoir le prix de l'homme d'État mondial de l'année 2016. C'est la petite polémique là qui fait parler sur la promenade des Anglais. Le syndic d'une copropriété a demandé à une résidente d'enlever un drapeau français qui flotte sur son balcon. L'habitante l'avait posé pour l'Euro, puis l'avait laissé après les attentats. Plusieurs voisins se sont plaints de cette initiative qu'ils jugent un petit peu trop franchouillarde. L'ex-maire de Nice, Christian Estrosi, estime que la réaction du syndic est inadmissible. Le groupe Foncia s'est finalement désolidarisé de son agence locale et présente toutes ses excuses. Jacques Chirac, toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. L'ex-président a été rapatrié du Maroc ce week-end pour une infection pulmonaire. Un de ses proches affirme qu'il est conscient. L'ancien chef de l'État aura 84 ans en novembre. On parle rugby avec le top 14, on parle foot avec la Ligue 2 et aussi la Ligue 1 et notamment l'Olympico d'hier soir. Avec la fin de la 5e journée, pas de gagnant pour ce premier choc des Olympiques cette saison. Marseille et Lyon se sont neutralisés au Vélodrome 0-0. Saint-Étienne a dominé Bastia 1-0 et match nul, un but partout entre Montpellier et Nice. Au classement, Monaco est en tête devant les Aiglons et le Paris Saint-Germain. L'épilogue ce soir de la 8e journée de Ligue 2. Le Red Star se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Et puis la fin de la 5e journée du top 14. Castres a ultra dominé Grenoble 46-9. Le Racing 92 a eu raison du RCT 41-30. Au classement, Clermont est en tête devant La Rochelle et Montpellier. Eh bien, merci Rémi pour les infos. Il est 8h36. C'est l'heure des 1500 euros tout de suite. Et puis une petite question que je voulais vous poser. C'est quoi votre dernière amende? Dites-nous, parce que ce matin, ça va pruner. Hein. Ça va pruner? Bah oui, c'est les conseils pas chers qui arrivent. Ah bah oui. Allez. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oui, Romano va foutre des amendes, mais au keuf. Hein, ouais. Ça, on n'avait pas fait. Ah bah, il faut qu'il respecte la loi, comme tout le monde. Hein. Et ouais, t'as plusieurs trucs à nous raconter, d'ailleurs. J'en ai des bien belles. Est-ce que vous connaissez aussi des policiers qui ne respectent pas la loi? Si vous travaillez dans la police, ou vous avez quelqu'un qui travaille dans la police, racontez-nous, je sais pas. Bah, ils boivent. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils conduisent en buvant? Parce que t'as le droit de boire. Moi, ouais. J'en connais qui fument, moi. Ah ouais, ouais. Oh ouais. Et pas que des cigarettes. Eh ben, c'est du joli. Bon, on parle de la police, mais avant ça, on vous offre 1500 euros. C'est l'heure de vous offrir de l'argent. L'enveloppe est là, 1500 euros à l'intérieur. Bonne chance à vous. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock, 1500 euros à gagner et peut-être 1500 euros pour vous ce matin. Si vous habitez dans le 13, tiens, on en parlait avec l'Olympico. Si vous habitez à Marseille, eh bien le téléphone va peut-être sonner maintenant. On appelle la famille de maison. Et on va... Pourquoi tu ris? Je sais pas. Est-ce que ça dit maison? Non, mais c'est vrai, ce matin, on a eu... Allô? Ah, bonjour monsieur de maison. Bonjour. Vous êtes Loïc de Maison. Oui, je vous entends, je suis dans le bus, je vous entends là. Ah, tu écoutes la radio dans le bus, c'est bien, dis donc. Loïc, bon, bah on va passer aux choses sérieuses tout de suite. Il va falloir crier bien fort dans le bus et après tu me décriras la tête des gens, d'accord? Ça va. Alors, on va poser la question bien fort, attention. Officiel, hein. Quelle est ta radio préférée, Loïc? Skyrock! Bien! Ouais, ouais. Tu viens de gagner 1500 euros, Loïc. Magnifique, vous êtes magnifique. Eh ben, toi, tu es beau aussi, Loïc, mais que tu es beau. Et la tête des gens dans le bus, c'est comment? Ah, ils m'ont regardé tout ce bizarre, hein, mais ça va, tout va bien. Voilà, bah tu vas leur expliquer que t'as gagné 1500 euros. Ah, c'est le top, ça. Ou alors tu leur expliques pas, peut-être. Hein. Non, c'est bon, c'est la clientèle, ils sont bien. T'es chauffeur de bus? Eh oui. Donc s'ils gueulent, tu les fais descendre. Ah ouais, tu les fous dehors. C'est ton bus, il est à toi. Et tes 1500 euros, ils sont à toi aussi. Bah bravo, Loïc, félicitations. Hein. Merci. 1500 euros en bossant, on peut même vous appeler au boulot, vous avez vu ça? C'est possible. Je décroche même au volant, il n'y a pas de souci. T'as raison, vas-y. Et t'as. Bon, bah c'est bien, dis donc, Loïc. T'as commencé à quelle heure ce matin, toi? À 4h35. Ah ouais, t'as commencé avant nous, toi, dis donc. Ah oui, je vous écoute tous les jours. Eh bah c'est super, Loïc. Tu es récompensé, tu nous écoutes tous les Merci. Jours. Et tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Skyrock ce matin. Bah ouais, le top. Tu vas faire quoi avec, tu sais déjà? J'attends un enfant, donc demain, c'est bon. Eh oui, parce que le gamin il a coûté cher. Il a coûté 1500 euros. Eh bien, bravo, Loïc, tu quittes pas, on t'envoie vite ton chèque à la maison, tu le reçois dans la semaine. Merci. Et tu pourras en profiter, il arrive quand le bébé? Demain, il le déclenche, demain. Ah demain, ah t'es papa. Ouais. Ah ouais, demain ah c'est ouais. le grand jour. Mais c'est, oui. c'est une très belle histoire, ça me met la larme à l'œil. Bon super, comment tu vas l'appeler? On ne sait pas encore le sexe, c'est pour ça que j'ai fait la surprise. C'est là. La surprise. Ah tu sais pas le sexe, t'as pas voulu savoir. Bon, voilà. Surprise demain. Bon, en tout cas, si c'est un garçon, il aura une chambre rose parce que on a bien choisi une couleur. Et Timo Romano, hein. Ah, merci, mon pote. Eh ben, Romano arrive avec les conseils pas chers dans un instant. Allez, l'OM, tiens. Et allez, Loïc. Et bonne journée, Loïc. Ciao. Ciao. Ciao. Direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. Rocking boat. I just want. Ed Sheeran, le nouveau avec Justin Bieber. On écoutait Cold Water. C'est de l'eau froide. Ça réveille le matin. Ouais. Il est 8h42. C'est l'heure des conseils pas chers. Les conseils dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Romano face à la police ce matin. Je vais prendre des risques sans doute inconsidérés. Mais oui, mais tu es un peu un ouf dans ta tête. T'es un thug. Non, mais c'est surtout que les policiers ne respectent pas les règles. Alors la police, on respecte pas les règles. Alors c'est bien de les faire respecter aux autres. Mais faut d'abord se regarder. Voilà, c'est ça. Se regarder soi-même. Déjà regardé avant midi à sa porte. Ouais, ma mère est flic et c'est pas un cadeau. Ah, merci à Derek. Salut, on te salue ta maman, Derek. Derek, 20 ans. Salut Derek. Il y en a plein qui ont eu quelques petits problèmes avec la police et qui connaissent des policiers qui fument, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Je dénoncerai pas Grégory, mais il nous a envoyé un message du 83. Salut à toi, Grégory. Mon meilleur pote est keuf et il fume. Ouais, ah ouais, bien. Bah, il y en a plein, hein. Alors, Romano, tu voulais donc te raconter quelques petites histoires qui t'ont donné cette idée de conseil. Bon, les policiers ne respectent pas la législation, le code de la route. Ah. Alors, il y a eu rappel de la police des polices. Ouais. Au niveau, par exemple, des policiers parisiens qui sont maintenant priés de régler leur PV. Ah ouais. Quoi, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une course-poursuite, t'es keuf. Hein. Donc faut que tu rattrapes les bandits, ils sont devant les bandits. Ah bah t'arrêtes au feu rouge. Voilà, tu t'arrêtes au feu rouge, tu ne dépasses pas les 50 en ville. Ouais. Les bandits sont à 150. Non bah tu ne peux pas toi. Sinon, verbalisation. Augmentation significative de 49% des infractions faites par les policiers. Donc ils en ont marre. Verbalisation pour excès de vitesse, franchissement de feu rouge, bah oui. Stationnement gênant. Bon, c'est simplement un rappel à l'ordre, mais très mal vécu par les policiers, les syndicats. C'est consternant, souffle un enquêteur. On ne dit pas que les policiers sont au-dessus des lois, mais on va intervenir en Vélib ou en métro si ça continue. Ah oui. C'est vrai, il a raison le keuf. Bon, ce matin, je vais appeler la police. Malheureusement, je fais partie de la police des polices. Ah ouais. Et il y a eu trop d'excès de vitesse, de contravention à mettre, et il faut maintenant payer, passer à la caisse. Eh bien, bon courage, direction les commissariats ce matin. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je ne laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics? Moi, j'y vais, là. Romano, le roi des escrocs. Non, mais c'est nous qui appelons les flics, là. Pas besoin d'appeler, hein. C'est parti, on va où? On va à la police de Famen. Police de Famen, très bien. C'est en Belgique, c'est l'inspecteur Connard. L'inspecteur Connard qui est tellement con qu'il a oublié de raccrocher son téléphone. Putain, mais le mec, c'est horrible comme nom. T'aimerais pas t'appeler Connard? Non, mais t'imagines. En plus, les flics, ils ont leur nom de marqué sur le costume, non? Les flics ont leur nom de marqué sur le costume. Tu sais, des fois, ils ont inspecteur un truc, Connard, je crois que c'est écrit. Non, mais tu le fais enlever et tu te dis, ouais, non, je peux pas le mettre. Ah, puis le mec, t'arrêtes, tu rigoles. Oui, bonjour, inspecteur Connard. Oui, ben, je sais, oui, t'es en train de m'arrêter, donc j'allais te le dire d'ailleurs, tiens. Bon, on n'aura pas l'inspecteur. On n'aura pas l'inspecteur Connard. Avec la police fédérale de Charleroi. Très bien. Ah, on est en Belgique. Restez en ligne. Votre appel sera traité dans les plus brefs délais. À se faire traiter par la police. Ah, cool. Sympa. Police fédérale de Charleroi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, oui, bonjour, inspecteur Lapince de la police des polices. Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous bien? Bah, ça va, moyen. Attention, hein, parce que sur la route, vous faites pas mal d'excès de vitesse. Franchissement de ligne blanche continue, de feu rouge, stationnement gênant, ça y va, hein. Là. Et je vous parle pas de l'ivresse au volant. En plus, oui, mais ça, c'est ouais, coutumier. C'est le matin et l'après-midi. Hein. Ah, on commence déjà à 8h30, donc voilà. C'est normal, vous êtes à l'apéro déjà, là. Voilà, déjà, bah oui, hein, déjà 9h moins quart, quand même. Hein. Ben, je vais venir au bureau, là. Je vais en prendre avec vous, apéro. Oui, c'est bien, ça, c'est bien. Ne venez pas les mains vides. Ah, non, je viens. Et nous, on fournit les glaçons. Hein. Ah, c'est très gentil. Et par contre, il faudra me régler les amendes. Hein. Il y en a pour 1 254 €. Ah, c'est quand même beaucoup, ça. Ouais, mais les feux rouges, les lignes rouges, les lignes blanches. Et c'est quoi, c'est sur un mois, ça, ou sur un an? Ah, c'est sur un jour. C'est sur un jour, oui. C'est très fort, ça, alors. C'est bon, très fort. Je passe à 9h. À 9h, ça va. Pour l'apéro. Pour l'apéro de 9h. Pas de problème, d'accord. Et n'oubliez pas l'argent, hein. En plus. Ouais, bah oui. Vénal, en plus. Vénal. Vous connaissez pas l'inspecteur Connard, non? Ça y a ça, non? Ah, si, non, si. Il n'est pas ça chez nous. Si. Ah, mais il n'est pas chez vous à Charleroi, parce qu'on en a essayé de l'appeler il y a un instant, c'était occupé, mais je crois qu'il se sent coupable, il n'a pas envie de payer. Ah, ouais. Ça peut être bien possible, alors. Ouais. Parce que lui, l'inspecteur Connard se drogue. Hein, ah oui, dire. Oui. Lui, il se drogue, en plus. Il porte bien son nom. Hein. Ah, oui. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, ça. Bon, je passe à 9h pour l'apéro et pour l'argent des amendes. Oui, ah bah, c'est comme vous voulez. Hein. Sors les glaçons. Il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Merci, à tout à l'heure. À tantôt, oui. Bisous, salut la police. À tantôt, ouais. Eh ben, vous voyez, ils sont sympas, la police. Très de Belgique. Gentil. Magnifique. Combien tu lui as pris? J'ai pas noté. 1250 euros. 1254 euros. Ouais, 1254, ça fait bien amende. Tension, Carriol, hein. Ouais, n'oublie pas. Eh, s'il y a 4 euros qui manquent, tu les donnes. Ouais, bien 1254, bien joué. Et voilà, problème réglé. Dans un instant, ah, on a notre compile du jour qui arrive. La compile du jour aujourd'hui, c'est les punitions des parents dans l'actu. Ah. On a fait une petite compile avec des punitions qui déchirent. Si vous aussi, vous avez des souvenirs, une punition originale que vous avez pour punir vos enfants aussi, hein, on les prend, ouais. Vous nous dites, je suis pas enfermé dans un congélateur, par exemple. Par exemple, c'est... est une punition qui me semble pas mal. Pas mal original, ouais. À une époque, c'était à la mode. Oui, moi, c'est ainsi. Tant mieux, tu veux me dire. Donc, quelle est la punition de vos parents qui vous a le plus marqué? Et une punition originale pour vos enfants, si vous en avez. Allez-y au 41-7-5-9 et sur l'appli Skyrock. Vous pouvez réagir à l'émission à n'importe quel moment, hein. Et dans une minute, on s'occupe de l'horoscope de l'amour. Même dans moins d'une minute, il arrive, l'horoscope. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement à forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Voilà, je rigole parce qu'il y a les punitions qui défilent. Vous avez très très bonnes idées. On y revient tout de suite et avec la compile du jour. Mais d'abord, l'horoscope de ce morning. C'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on commence par ceux qui sont à zéro aujourd'hui, les cancers et les vierges. Pourquoi vous êtes à zéro? Parce qu'il y a un petit malentendu qui pourrait assombrir votre journée aujourd'hui. N'hésitez pas à vous expliquer, à tout éclaircir et vous verrez qu'après tout rentrera dans l'ordre. Cancer et vierge. Ouais. 1 sur 5, les lions et les béliers, vous serez en mode autocritique aujourd'hui. Vous voyez que vos défauts, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sinon qui va vous faire des compliments, hein? Les lions et les béliers, 1. 2 sur 5, les gémeaux et les scorpions, un ex ou une ex pourrait chercher à vous contacter. Mmh. Attention. Romano Tagotique n'était pas Gémeaux ou Scorpion. Putain, je m'en rappelle plus. Je crois qu'elle était Gémeaux, Ascendant, Scorpion. Fais gaffe, tu risques de la rappeler aujourd'hui. Ouais, mais c'est sûr. Ah bah écoute. D'ailleurs, je voulais passer un appel pour récupérer son numéro, je l'ai plus. Bah écoute, je lance l'appel et ce soir, tu nous en reparleras. Ouais, ouais. J'aimerais bien que tu l'as au téléphone. Ouais, t'as raison. Orgis, ouais. Si tu l'as. Non, mais je la traite. Hein. Mais non, mais Orgis quand même. Oui, non, mais la Gothique, c'est une de ses ex, je dis ça pour les nouveaux auditeurs de Skyrock. Très belle. Gémeaux, Scorpion, donc deux. Hein. 3, c'est pour les Capricornes et les Balances. Les magnifiques Capricornes. Comme toi, dis fou. Ah. Les Balances. Suivez votre intuition, vos intuitions aujourd'hui. Elles ne vous tromperont pas. On passe au 4 pour les Poissons et les Verseaux. En couple, vous saurez surprendre votre partenaire et si vous êtes célibataire, vous saurez prendre des risques et des risques qui vont payer. Et 5 sur 5, les meilleurs pour aujourd'hui sont les Sagittaires, ouais, et les Taureaux. Les planètes, ouais, seront de votre côté, surtout les planètes de l'amour. Votre pouvoir de séduction est décuplé. Waouh, waouh, waouh, waouh. Profitez-en, tu vas être très séduisante, Carriole. Ouais. Ouais, je suis d'habitude moyen. Voilà. On a été obligé de décupler tout ça. Ah ouais, grave. Bien. Allez, 8h51, les punitions des parents dans l'actu, c'est la compile du jour. Juste après Justin Timberlake sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't no this rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Ce week-end, je me baladais dans la rue tranquille et là il y a des filles qui crient Justin, Justin, Justin. Je me retourne pas parce que moi je me suis dit. Et elles se jettent sur moi, elles font ah, mais tu es Justin Timberlake. Non, mais les meufs elles voyaient rien, c'était big louche. Hein. Pas du tout, pas du tout, Mano. C'était les meufs elles avaient des lunettes, c'était des culs de bouteille. Des américaines, ah ouais, complètement idiotes. Bon, Justin Timberlake, mais trouve pas qu'il y a un petit air de famille avec Justin Timberlake. Non, carrément, rien. Si, si, ah, non, merci, Carriole. Carriole a des lunettes, mais elle marche mieux que les tiennes. Ouais, ouais. Je dirais même que tu le dépasses un peu. Oui, en taille. Physiquement, en déjà. Taille. Et au niveau de la danse. Ah bah non, bah c'est clair. Bon, en tout cas, il déchire. Justin Timberlake, qu'on écoutait avec Can't Stop the Feeling. Il y a la roulette qui va tourner. Ah, roulette 10h cette semaine. On vous offre votre abonnement premium le plus cher, tout ça. Après, ouais, 10h, illimité. Illimited. Et Skyrock est sur Deezer. Et oui, c'est pour ça qu'on fête l'arrivée de Skyrock sur Deezer. On est partout. Hein. Ouais. Donc, vous pouvez également nous écouter sur Deezer. Deezer, rien. Et vous gagnez votre abonnement de Deezer. Tiens, inscrivez-vous au 720, on vous l'offre. Roulette, faut envoyer. Hein. Donc, en gros, c'est quoi Deezer pour ceux qui connaissent pas? Bah, c'est une plateforme de streaming. C'est streamings. Et tu as accès à tous les titres en streamings du monde. Ouais, c'est ça. Et tu peux les télécharger après les écouter hors connexion. Et indéfiniment. Et indéfiniment. Il faut bien le dire. Donc, en fait, on vous offre tous les sons du monde. Ouais, c'est ça. C'est à gagner. Donc, 7-20-20, vous envoyez roulette pour gagner. 7-20-20, roulette. Et hop, on fait tourner dans moins de 10 minutes. Notre compile du jour. Je vois que tu avais l'œil sur les messages et que tu riais, Romano. Ouais, ouais. Des messages qui te font rire. Est-ce que tu as ri en voyant Jessica avec sa fille? Vous êtes mignonnes toutes les deux, là. Jessica, 31 ans, et ta fille juste derrière. Quand j'étais petite, moi, je prenais des coups de martinet. Ah ouais, ça, c'était old school. Et ma fille, maintenant, elle est privée de tablette. Ça a changé les punitions. Ouais, hein. c'est clair, ça a évolué. Ouais. Romano, à ton époque, tu prenais des... J'en ai pris, moi, des coups de martinet. Ah, tu prenais des coups de martinet. Ah, ma mère, elle me poursuivait dans le jardin avec. En criant? Ah ouais. Violomano! Romano, viens là! Viens ici, garde-moi! Ah, tu prenais des coups de martinet. Et elle te fouettait jamais que avec le bâton? Elle prenait le martinet à l'envers et bam, bam, bam. Non, mais moi, je me suis pas fait beaucoup taper parce qu'un jour, mon père, il m'a mis une baffe, j'ai fait une crise d'asthme. Bien joué, ça. Et en fait, ma mère, elle a pourri la gueule à mon père et plus jamais il m'a levé la main dessus. Très bien. Bah écoute, ça l'avait un peu traumatisé. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, simuler une crise d'asthme. Expliquez-leur de simuler une crise d'asthme. Ça traumatise les parents, plus jamais ils vous touchent. Après, ils vous tapent plus, là. Il y a Momo, sinon, qui dit mes enfants, ils ont peur du noir et quand je les punis, je les mets dans le noir. C'est bien. Et fais-leur croire qu'il y a un monstre. un monstre qui va les manger. Hugo, et... lui, il était attaché dans la baignoire. Ouais, mais tes parents, c'est des serial killers. c'est horrible. Ça fait scène de crime. Maëval était enfermé avec ses frères dans un placard. Pendant une heure, quand on faisait les cons, quand on était petit. Ça, c'est sympa, ça aussi. Ma mère m'achetait du 5e étage. Je ne crois pas, toi. C'est Snoop08 qui nous envoie un message. Le piment dans la bouche pour Amdi, 29 ans dans la Sarthe. On te l'a fait, Karim, ouais, le piment dans la bouche. Ouais, le piment dans la bouche, on me l'a fait, mais on m'a fait à peu près tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Douche froide. Ajouter du 5e étage. Ah, c'est bien. Douche froide, on t'a fait, non? C'est Otis Hoffman. Non, ça, non. Ah, si, moi, nous, Cariole, on connaît un mec, il l'a fait à sa fille. Et alors? Parce qu'elle faisait une crise de nerfs. Il l'a prise. il l'avait tout habillé, il l'a mis sous la douche froide, il a dit ouais, j'espère que ça va te calmer maintenant. Bah écoute, ça les a calmés ou pas? Ouais, non mais ça l'a calmé, ouais. Après la fille est dans sa chambre. Ma tante, elle mettait ses enfants à genoux, les mains en l'air, pendant 30 minutes pour les punir. C'est horrible. C'était un 28 ans. Quoi, ta tante, elle travaille à Guantanamo. Oui. C'est horrible ça, mais c'est limite de la torture quoi. Merci pour tous les messages, je peux pas tous les lire mais c'est marrant. Les punis de console, il y en a plein, les punis de téléphone aussi, les punis de tablette, on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et bien voici, hein, mon père pour me punir, il m'a fait sortir tout nu dans la résidence après que j'ai volé un bioman. Oh mais ça c'est pas bien, Tamailta, t'avais volé un bioman. Ah ouais, non, mais dis donc, tu te crois où là? Pas bon ça, hein. Alors, la compile des punitions... Les voici tout de suite, elles sont là. Il y a Imanasia aussi, 25 ans. Ma fille de 6 ans, rentrant de l'école, disait beaucoup de gros mots. Pour la punir, je lui ai lavé la bouche avec du savon. Eh ben, comme ça, elle a la bouche propre. Depuis, elle ne dit plus aucun gros mot. D'ailleurs, depuis, elle ne dit plus rien. Ouais, je sais pas, elle fait des bulles. Bon, salut Imanasia. 8h58, compile du jour. La compile du morning de Default sur Skyrock. La compile du morning, on va démarrer aux États-Unis. Ouais. Un enfant qui a des mauvaises notes. Ouais. Numéro 3. Il a 16 ans et ses parents ont décidé de le faire vivre en plein hiver sous une tente dans le jardin. Oh non. C'est des ouf. Bah, camping. Voilà, camping. Alors, la télévision, évidemment, a entendu parler de ça. Ils se sont emparés de l'histoire. Ils sont allés faire un reportage là-bas. Les parents ont répondu : on ne fait rien de mal. Oui, il fait 10 degrés dans la tente. On essaye simplement de lui faire comprendre les choses. Oh. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. A assuré la mère. Eh ben. Non, mais moi, je trouve que. Bon, ça va, il y a pire. Bon, bah, attends, 10 degrés, il n'y a pas de faire chier. Bah, ça va, il a un toit qui fasse pas chier. Il a un toit et il a des couvertures, c'est bien dit. Ah, mais ouais, non, mais ça va, il y a pire. Il y a pire. Numéro 2. Numéro 2 de la compile du morning. C'est encore aux États-Unis. Ah oui, c'est encore aux États-Unis. C'est Madonna. Ah, Madonna. Alors, Madonna, elle, parce que sa fille avait fait une bêtise, elle avait fumé une cigarette. Ouais. Elle a chopé sa fille en train de fumer. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madonna? Elle l'a enfermée dans un placard. C'est pas vrai. Le problème, c'est qu'elle l'a oublié toute une après-midi. Ah merde. La fille a été un petit peu traumatisée. Mais même quand on est une star, et même quand on est enfant de star, on peut subir des... Ouais, c'est des punitions. C'est dur. C'est la punition de Madonna. Et alors là, attention, la première. Numéro 1. Et là, on va aller en Belgique. Une mère une mère a forcé son fils. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'il avait une très mauvaise note lors d'une interro. Je vais te forcer. Elle l'a forcé à quoi, d'après vous? Manger son caca. Oh non! Manger son caca. Eh bien non, ça pourrait être pire, ça, tu vois. Non, à manger son interro. La feuille? Oui, la feuille. Tu vas manger ton interro. Alors, si c'est une dissertation qui fait 10 pages, le fils a dû tomber malade derrière. Tu vas manger ton interro. Elle l'a forcé à manger son interro et après, elle lui a fait aussi copier 100 fois, je suis un con. Con. Tu copies 100 fois, je suis un con. Voilà, le gosse a été traumatisé, on vous le cache pas. Ah ouais, bon, c'est bizarre. C'est une très belle punition. En plus, toute la presse s'en est emparée en Belgique, donc le gosse est devenu célèbre et tout le monde lui fait, mais t'es un con. Mais hein. T'es un con, hein. T'es un con. Bah ouais, je suis un con, je l'ai marqué. Et puis, si t'as un petit creux, tiens, hop. Ouais, t'as une petite feuille. Tiens, mange. Il y a ça à manger. Voilà, c'était le top 3 de notre compile du jour. Les punitions des parents dans l'actu, là, ces temps-ci. Ouais. Il est 9h du matin, la roulette tourne. Allez, roulette 10h. Vous inscrivez 720-20, vous envoyez roulette. Et ça tourne pour vous gagner un an d'abonnement premium. Hein. C'est pas de la merde, attention. Ouais. Hein. Deezer premium. Vous avez accès à tous les sons du monde. Ouais. C'est pour vous. Et puis, vous avez accès à Skyrock, puisque Skyrock débarque sur Deezer. Ouais. Et oui, bon, on débarque peut-être chez vous tous les matins. Il y a 2 fois 1500 euros qui sont tombés aussi. Hein. Ça, c'est bien. Et puis, ouais, dans un instant, le zap du morning qui débarque. Ouais. Ladies and gentlemen. Ils ont cartonné dans la nocturne Planète Rap tous les vendredis soirs à partir de minuit. Ils reviennent tous les soirs de cette semaine à 20h sur Skyrock. Viens découvrir Panama Bende, les 7 rappeurs parisiens au micro de Planète Rap. Planète Rap Panama Bende, 20h-21h, en direct avec Fred sur Skyrock et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Ilan 5, la marque pour hommes qui cartonne. C'est désormais 7 nouvelles boutiques en France, comme Montpellier, Saint-Étienne, Charleville-Mézières ou encore Évreux. Si vous aussi, vous voulez ouvrir votre propre boutique Ilan 5 dans votre ville, n'hésitez plus, il reste encore quelques villes disponibles. Ilan 5. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 gigas à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le

Parce qu'il y a il y a Théo qui voulait te donner une fessée là. C'est pour ça que je te pose la question. Non non, moi on me punissait pas beaucoup. Je faisais un peu ce que je voulais, mais la pire que j'ai eue, ouais, c'était au coin. Ah bah ça va carrément. Donc ça va, ouais. Tu sais que je n'ai jamais été puni tellement j'étais un enfant parfait. Un enfant parfait. Ça m'étonne pas. Je rêverais d'en avoir un comme moi. Ouais, mais c'est clair. Tellement c'était super. Ah si si, je me rappelle d'une chose. Une fois, j'avais craché au visage de ma maman. Normal. Et elle m'a retourné une claque et privée de sortie pendant un mois. Ah bah ça va, ouais. Donc c'était horrible. Et Romano, toi? Bah moi la pire à la limite, c'est peut-être le jour du bac où je me suis pris une baffe au réveil quoi. C'est normal, t'étais même pas allé chercher les résultats. Non mais je savais que j'allais pas l'avoir et en fait moi j'ai dormi et mon père arrive comme une furie dans la chambre, il me fait tu connais les résultats du bac? Je fais bah, je réponds bah non, je dormais. Bah ouais, idiot, bah donc. Et là Saba, elle part dans ma gueule et me dit tu l'as pas. Et là ma mère qui arrive derrière qui dit t'as un idiot. Et toi Karim? Moi pour moi la pire, ça a été parce que l'auditrice tout à l'heure elle a envoyé, ça a été le piment dans la bouche, gros. Ah, c'est pas bien ça. Putain tu douilles, gros. Mais pourquoi t'avais dit des gros mots? Je sais plus, c'était pourquoi, gros. Il avait sans doute dit des gros mots. Une connerie, mais le piment dans la bouche, gros, ça fait bien mal. Et toi Sam, le roi des réseaux sociaux? Moi ma mère elle me frappait avec une batte de baseball en mousse. Moi ma mère elle me frappait avec une batte de baseball, elle me défonçait la gueule. Elle brûlait dessus avec la bagnole. Non non, elle me disait mais toi devant la porte du garage. Non, en mousse en fait, plus je vieillissais, plus elle se cassait, au final elle a cédé, au final après elle m'a putain. Ouais, il y a un truc qu'il faut pas faire, hein. C'est Cathy qui nous dit ça parce que son frère, il avait coupé les fils du martinet. Ah ouais, bah il tape avec le bâton. Ouais. Avec le manche, ouais. Et ça fait encore plus mal là. Bon, allez, on y va pour la suite. La suite, c'est la roulette qui va tourner juste avant le zap du morning. On a William avec nous en direct de Vannes. Salut William. Salut. Ah, William. Ça va bien, William? T'as passé un bon week-end, tranquille? Ouais, tranquille, chez ma copine, quoi. Très bien, c'est pour ça que t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Ah, lundi matin, c'est pas facile. Bah écoute, ça va être plus simple pour toi. On a la roulette qui va tourner. On va peut-être t'offrir tous les sons du monde qui se trouvent sur Deezer. Un abonnement Deezer Premium d'un an. Yeah. Pour fêter l'arrivée de Skyrock sur Deezer, c'est pour toi. Skyrock t'offre ton abonnement Premium plus d'un an. À Deezer. Attention. C'est même le Premium plus. Ah ouais, parce qu'il est plus, c'est vrai. Bien vu, Romano. Ouais. Il y a le petit plus. Bon, de toute façon, c'est tout illimité en gros. Ouais, t'as tout. Cool. Alors attends, c'est pas gagné. Hein. Faut dire stop avant. Oui, faut dire stop. D'accord. Stop. Bien, William, il est baba cool. Ouais, il est cool. Peace. Peace et Deezer pour toi. Tu gagnes donc ton abonnement Deezer Premium Plus. Ouais. Il est pour toi, William. Et tous les sons. Et tous les sons que t'as envie d'écouter, toutes les nouveautés, elles seront sur Deezer et sur Skyrock aussi, puisque Skyrock débarque sur Deezer. On salue ceux qui nous écoutent sur Deezer ce matin. Bravo, bravo. Et à n'importe quel moment, vous gagnez votre abonnement Deezer Premium Plus. Plus. Ah, merci, l'équipe. Bravo, William. Ça fait plaisir. Bon courage à toi. Bonne journée, alors, la Bretagne. Ouais, là, je vais au travail. Eh oui. Eh, il faut bien, hein, tu sais. Ouais. Bon, tu repars avec ton abonnement, là. Salut à toi. Salut. Ciao. Ciao William. Salut. Ciao. 9h10, eh ben c'est l'heure du zap du morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? Plein de choses. Non, c'est tout parce qu'on est là depuis 6h. Ouais. Bon, pour les autres, s'ils zappent. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Voici les types d'hommes que les femmes préfèrent éviter, les types de femmes que les hommes préfèrent éviter. Oui. Les radins, Romano. Ah. Et ouais, le mec qui ne met pas de chauffage pour éviter qu'il fasse que ça fasse une grosse facture. Ah là, bah moi je me mets pas là-dedans. Hein. Moi il y a du chauffage. Oh, bah attends, Romano, il a du chauffage. Et tu vas terminer en disant que t'es pas radin. Non, pas spécialement. Non, mais j'habite carrément le resto tout, des pas fois. Du tout. Pas du tout. Attends, ce week-end, je vais payer du vin. Waouh. Elle était contente. Bah ouais. Je vais acheter son cubi de vin. Voilà. Comme ça, elle lui fout la paix tout le week-end, il est tranquille après. Ah ouais. Je suis le responsable du tronçon de l'A39, l'autoroute. Oui. Oui. Vous l'avez pris dernièrement? Oui. Oui. Dites voir, il y a une augmentation qui est prévue. En fait, on revient en arrière, donc tout ce que vous avez payé, il va falloir payer un supplément. Oui. Oui. J'ai fait le calcul, il y en a pour 150 euros, vous. Ça t'amuse, mon gars, Écoute, je m'amuserai encore plus. Viens donc me trouver, là. Ah, bah, justement, voulais te proposer de passer à la maison. Salut, va te faire foutre. Tu le trouves beau gosse, toi, M. Pokora? Non. Non, t'aimes pas trop? Pas du tout. Pourquoi t'aimes pas du tout? Trop beau gosse. C'est Romano! J'aime bien les mecs pas super beaux, moi. D'accord, écoute, tu es servi. Je citerai personne dans l'équipe, mais on s'en était rendu compte, Cariole. Ça sonne chez les Mollards ce matin. Non, je crois pas. Non. On est en train de... Non, je crois pas. Putain, c'est un truc de ouf. On arrive avec une bonne nouvelle. Si. Dis-moi juste quelle est ta radio préférée, Fabrice. Allez, bravo. Bravo. Bravo Fabrice, 1500 euros pour toi. Merci, merci beaucoup. Oui, je vous entends, je suis dans le bus, je vous entends là. Ah, tu écoutes la radio dans le bus, c'est bien, dis donc. Ah. Alors, on va poser la question bien fort, attention. Officiel. Hein. Quelle est ta radio préférée, Loïc? Skyrock. Bien. Ouais, ouais. Tu viens de gagner 1500 euros, Loïc. Ah, magnifique, vous êtes magnifique. Eh oui, un peu que toi de Marseille, c'est normal, il est de Marseille. Hein. Il nous écoute dans son bus tous les matins, Loïc. Qui gagne 1500 euros et on dit bravo à Fabrice qui nous écoutait aussi. C'est bien, vous décrochez le téléphone, vous écoutez la radio. Ouais. Fabrice de Villeparisis dans 77, il a lui aussi gagné 1500 euros. 1500 euros à choper, c'est toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock parce qu'on s'est dit que les vacances avaient été chères. Cher. Que la rentrée était chère. Oh, très cher. Donc les 1500 euros, c'était une fois toutes les heures l'année dernière. Cette année, on explose les budgets toutes les demi-heures. C'est pour vous. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs hein, sur le 72020. Vous envoyez 1500. Oui. En chiffre. Hein. 1500 ouais. Au 72020. Et vous gagnerez peut-être demain 1500 euros. On vous appelle. Vous inscrivez maintenant. On vous appelle demain matin. Hein. Oui, oui, oui. On peut vous appeler n'importe quand. Attention. 9h13. On va dire bonjour à Fredo. Alors, une petite blague qu'on nous a faite tout à l'heure et qui m'a beaucoup fait rire. On a offert 10h ce matin. Oui, j'ai entendu. Tu en auras du 10h. À 10h. À 10h. La petite blague de tout à l'heure, c'est Diffoul, tu t'es trompé. Il est pas 10h, il est 9h. Ah, oui, je vois. Mais pourquoi 10h? Il est 9h, j'ai eu peur. Oui. C'est Pierre Desvreux qui, franchement, a avalé un clown ce week-end. Très drôle. Très drôle. Presque autant que nous, Pierre. Vous voyez la blague à Danny Boone, là. On avait fait écouter la semaine dernière les blagues, là. Ah, celle-ci va la mettre en top de son. Ah, bah ça, c'est. Twitter, 9h, 10h. On peut faire direct 10h aussi. 10h, 11h, 11h. Snapchat, Snapchien. Eh bien, c'est les blagues de Danny Boone. Ah, ouais. Mais le prochain spectacle de Danny Boone, on vous a fait écouter la semaine dernière. Facebook devient Facebook parce que ça, c'est tout nouveau. Ouais, c'est très drôle. Fredo, tu pourras faire des blagues jusqu'à. Ah, bah, je les note, une par une. Jusqu'à 12h. C'est qui a raccroché? Je sais pas, quelqu'un qui ne voulait plus parler. Ouais, il a dit qu'il ne voulait pas parler. Donc, jusqu'à 12h, Fredo, avec du 10h à gagner sur Skyrock. Tout à l'heure. Qui a débarqué sur 10h. Mm-hmm. Et puis, bah, ce soir, on te retrouvera aussi, Fred, juste avant nous, hein, juste avant 21h. Tu seras là entre 20 et 21 avec un collectif parisien qui défonce, qui s'appelle Panama Bende. Faut les découvrir ce soir. Voilà, tous les soirs de la semaine. Ouais, 20h-21h pour la première. Et puis nous, à 21h, on débarque. On aura des nouvelles de Cédric. Ouais. On aura toute l'équipe qui sera là, j'espère. Et puis vous tous et vous toutes, j'espère aussi. Entre 21h et minuit, vous voulez faire les cons ce soir. On sera là. Passez une belle journée d'ici là. Hein. Urban Music non-stop sur la première radio urbaine mondiale. C'est Skyrock. C'est magnifiquement dit, je n'ai rien à ajouter. Ah, oh, merci Fredo. Tu étais parfait, Diffoul. Mais tu sais que tu es très très beau aussi, on se l'a dit. Ah, je suis ému. J'imagine. Bon, beaucoup d'émotions hein. Jusqu'à midi, c'est parti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. À toutes. À tout à l'heure, ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue. Oui, tout à l'heure, on vous filera encore des abonnements premium plus pour aller écouter aussi Skyrock dans le monde entier sur Deezer. Ce sera tout à l'heure sur Skyrock. Passez une bonne matinée, bienvenue à vous tous. Le son rap R&B en non-stop. C'est Drake pour débuter. Voici One Dance sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Well,